Bonjour et bienvenue à présent à un nouvel enregistrement en compagnie de Berthold que vous pouvez voir à l'écran. Et nous sommes présentement rendus au mois de novembre de l'année 2020. Et c'est sûr qu'avant de débuter à proprement dit l'enregistrement d'aujourd'hui, je voulais mentionner aux gens qu'il existe à présent des remixes de Berthold, donc quelqu'un sur Internet qui a remixé le son de certains enregistrements produits là, par Berthold. Donc, vous pouvez retrouver ça sur Internet. C'est sûr que les gens qui ont envie aussi de lire Berthold, bien entendu, il y a le livre qui existe avec des transcriptions. Des enregistrements que j'ai fait dans le passé en sa compagnie. Donc, vous allez pouvoir retrouver le lien du livre en bas de l'enregistrement ainsi que le lien des remixes qui ont été faits. Et je voulais dire aussi qu'il existe une bibliothèque audio d'enregistrement en lien avec Berthold que j'ai réalisé au fil du temps. Là, présentement, il y a 79 enregistrements. Donc, vous en avez pour plusieurs heures d'écoute. Donc, c'est ça, ça fait un certain nombre d'années que je fais des enregistrements avec lui. Et il y a aussi dedans des enregistrements qu'il avait fait en solo dans le passé. Donc, dans cette audiothèque que j'ai décidé de faire. Et c'est sûr que pour les gens qui apprécient les entretiens que je fais avec Berthold depuis déjà plusieurs années, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac. Donc, vous allez avoir les coordonnées là, par rapport à ça en bas de les enregistrements présents. Donc, c'est sûr que s'il y en a parmi vous qui appréciez en particulier le fait que je donne l'opportunité à Berthold de s'exprimer publiquement, parce que comme vous l'avez compris, c'est pas le genre d'individu qu'on va retrouver sur les ondes des médias de masse comme TVA ou également le Radio-Canada. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est sans doute une des rares occasions aussi que vous pouvez l'entendre, parce que présentement, il y a seulement moi là, qui l'interview. Donc, après ce préambule, aujourd'hui, je voulais aborder avec lui des questions sur la nature du réel. Et peut-être aussi en fin d'enregistrement, un commentaire en lien avec naturellement la crise sanitaire actuelle qui dure depuis plusieurs mois. Mais comme on avait déjà fait les deux derniers enregistrements consacrés exclusivement à les crises, bien, j'ai décidé aujourd'hui là, plutôt d'aborder des questions générales sur la nature du réel. Donc, sinon, j'ai fini mon préambule. Donc, d'entrée de jeu, je voulais savoir, ça va bien? Oui. Excellent. Ben oui. Bon, ben, tant mieux si ça va bien pour toi. Et pour débuter aujourd'hui, la première question qui se pose par rapport à la nature du réel, eh bien, est-ce que la matière existe? Oui. Et si oui, c'est quoi? C'est un état de l'énergie. OK. Et qu'est-ce qui amène cet état d'énergie particulier? Le fait que, bon, il y a différents plans, comme un plan d'émanation, puis donc la matière, c'est un état de l'énergie. Mais comme l'espace-temps est un état... Ben, c'est l'espace-temps, c'est difficile de définir des choses comme ça qui se définissent toutes seules. Ben, ça dépend, c'est parce qu'on peut apporter différents éclaircissements par rapport au sujet, parce qu'il y a des gens, si on prend par exemple le philosophe Berkeley ou le philosophe jovialiste ici au Québec, André Moreau, qui vont dire que la matière n'existe pas. Ben, la matière en tant qu'information perçue n'existe pas. Elle existe en tant qu'information perçue. C'est pas la même chose, c'est pas la chose en elle-même. C'est une réinterprétation, c'est une information. Là. C'est juste ça, c'est un peu ça, dans le fond, le dilemme. Mais en dehors de la perception, est-ce que ça existe? Oui. Mais je voulais t'amener sur le terrain à savoir, est-ce que le monde existe en soi ou le monde existe par soi? Donc, autrement dit, s'il n'y a pas de conscience pour percevoir la matière, est-ce que la matière va exister tout de même?

Ça me donne quoi, des choses comme ça si dans ma vie de tous les jours, comment je pourrais. C'est pas. Parce qu'à un moment donné, là, il va falloir. Comme c'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est le fait que bon, une conscience est possible. Il y a quelque chose qui se perçoit à soi, entre autres. Ça, c'est un départ, mais je veux dire, c'est pas juste ça, là. Mais ça rend la conscience possible dans un ego. Mais c'est tout le temps, ça va tout le temps être imparfait. Puis c'est correct. Non, même je perds le fil parce que c'est des choses que ma conscience, ça me porte plus vers l'observation d'une phénoménologie plus près de moi, puis qui est moins. Des choses comme ça, je pense plus à ça. OK, mais en fait, le terrain, mes questions qui étaient plus en lien avec la physique, comme la matière ou l'antimatière, c'était pour t'amener à parler éventuellement c'était pour préparer le terrain pour aborder la question de la physique quantique, qui peut avoir des implications concrètes, dans le sens que si on part du principe que le simple fait d'observer des particules peut avoir une incidence sur leur comportement, par exemple, dans le cadre d'une expérience scientifique. Et si on part du principe qu'il n'existe qu'un champ quantique qui englobe toutes les choses qui existent dans l'univers, bien à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de réaliser que le simple fait d'observer quelque chose dans l'univers nous permet d'agir dessus, dans le sens qu'on n'est pas séparé de rien, parce qu'il existe seulement une seule chose à par rapport à la théorie qu'il existe un seul champ quantique. Oui, on n'est pas séparé de rien, mais on n'est pas rendu encore à pouvoir faire remonter une pente à une bille d'acier, par exemple, en la regardant. Fait que c'est limité encore. Oui, Mais tu vois, il y a un effet, mais on n'a pas encore intégré assez pour donner une direction à ces choses-là. On peut pas volontairement encore. C'est même ce que j'ai vu des expériences où il y avait, par l'observation, des gens arrivaient à influencer. Il fallait que ce soit sur des choses extrêmement sensibles, puis c'était à un niveau statistique qu'on voyait une différence. C'est ça, à mes yeux, c'est important dans le sens que ça vient démontrer quelque chose, mais une fois que c'est fait, bon, moi, ça m'intéresse plus. Si. Je peux lire des choses ou m'intéresser à des choses, voir que la science est en train de se rendre compte encore que les choses sont pas comme elle le pensait nécessairement. Ben là, mon intérêt il est là. Mais le reste, ça m'intéresse pas. Mais tu vois, moi, ma Je suis pas un curiosité. scientifique. OK. Parce que tu vois, ma curiosité par rapport à la physique quantique vient du fait que si le simple fait d'observer quelque chose nous permet d'agir dessus, ben ça peut expliquer certains phénomènes. Tu sais, entre autres, qu'on est interrelié. Tu sais, le phénomène de la télépathie. Tu penses à quelqu'un, puis la personne pense en même temps que Ça vient toi. juste confirmer ce qu'on sait depuis combien de millénaires. C'est tout. On savait ces choses-là. Ça vient juste, c'est juste parce que là, on veut le confirmer empiriquement. Ou on veut l'observer empiriquement, ou on est en train de l'observer empiriquement. C'est tout. Mais on savait ça. C'est juste que là, ce qui était du savoir va devenir de la connaissance, peut-être. Mais même là, ça risque d'être divisé. Puis c'est pas tout le monde qui va avoir accès. Parce que des fois, il y a des résultats, ça doit pas être dit au public, je le sais pas, là. Parce que c'est difficile de savoir ce qui est les vraies conclusions ou puis où on est rendu, l'humanité, en tant que. On le sait pas. Moi, je le sais pas. On est rendu où, scientifiquement, en tant que civilisation, parce que je fais partie d'une strate de la civilisation qui n'a pas accès à l'information autrement qu'intuitivement. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que tu as de l'information qui peut être dans les livres, les revues scientifiques, mais intuitivement, tu peux avoir accès à un autre pan de l'information qui est voilée, la majorité, qui fonctionne tout simplement au niveau de l'intellect. Bon, on peut sentir que on peut intuitivement, comme justement tout est lié, qu'on est séparé de rien, puis qu'il y a la télépathie. Puis on peut intuitivement savoir que bon, il y a des choses, c'est pas comme on nous le dit. Mais à part ça, moi, ce qui m'importe, c'est surtout d'informations sur ma survie quotidienne à moi. Puis c'est très, très pratique, là. Puis le reste, là. J'essaie de plus. Même, j'ai de la difficulté

où quelqu'un, par exemple, va me faire un traitement énergétique, puis je vais percevoir à distance son énergie sans qu'il me touche physiquement. Il y a comme un phénomène de pénétration énergétique qui peut s'opérer. Puis là, en ayant une compréhension liée à la physique quantique, ça me permet de comprendre la logique derrière le phénomène, tu sais. Ouais, ça vient satisfaire le côté on veut comprendre. Ça fait partie justement de ces. On veut pas savoir, on veut connaître, on veut comprendre, on veut. Mais savoir, c'est plus de la pratique automatique sans intellectuer. C'est pour ça que là, c'est comme si on est encore bon ces choses-là, puis là, plus tard, on va étudier pour essayer de trouver, de théoriser, puis mieux comprendre le phénomène pour l'intégrer intellectuellement. Mais cet aspect-là, je ne l'ai pas. C'est plus. Je le sais que les phénomènes sont réels. C'est ça qui est important. C'est de constater. Et là, le vrai empirisme, la vraie pratique, c'est pas. J'ai pas envie de savoir comment. Je sais que j'ai pas besoin de savoir comment. Le comment, c'est la pratique. Ça fonctionne. Il y a bien des choses que je m'étais intéressé, comme les expériences pour percevoir la couleur avec les doigts. Puis j'étais très surpris, mais ça fonctionne. Il y a des choses très étranges. Ben justement, peux-tu me donner un peu plus de détails par rapport à ça? Oui, c'est. J'avais lu, c'est. Ça parlait, c'est que il y aurait une couche nerveuse un peu psychoélectrique, si on peut dire, qui serait dégagée par le système nerveux qui enveloppe le corps. Puis c'est très sensible au niveau des doigts. Puis que c'est un scientifique qui parlait d'expérimentation avec des aveugles, puis d'autres personnes, puis qui s'était rendu compte qu'il y en avait qui percevaient les couleurs avec les doigts. Pas qu'il y ait un aveugle qui pouvait dire « Ah, ça c'est du rouge, ça c'est du jaune », mais il percevait quelque chose, qu'à chaque fois c'était du rouge, il percevait la même chose, ou une autre couleur. J'ai décidé de faire l'expérience, j'avais un sac en velours, puis j'ai acheté des briquets Bic. Ils sont tous pareils, là, mais des couleurs différentes. Je les ai mis dans le sac. Puis je me suis pratiqué 2 semaines. Puis oui, c'est vrai. Mais c'est quelque chose qu'il faut aiguiser. Mais dans le fond, ta perception avec tes doigts, c'est lorsque tes doigts touchaient au briquet que tu pouvais, sans savoir la couleur, après ça, tu regardais la couleur, puis ça, tu savais que c'était rouge. Ah oui, je la tenais, puis là. Là, après, puis là, je le sortais, puis je regardais la couleur, puis mais c'est très subtil, c'est très fin. Comment je pourrais dire ça? Juste être déconcentré un petit peu, puis on le perçoit plus. Okay. Comme le rouge, ça dégage quelque chose, là, on le sent, là, ça rentre dans les doigts. Donc, c'était vraiment au niveau de la couleur, c'est-à-dire que la texture de chacun des briquets était similaire. Oui, c'est des briquets Bic, tout pareil. Là. OK, bon. Mais c'est spécial. Ben oui, mais il y a un paquet de choses comme ça. Ça a tout été répertorié, tout ce qui est perception extrasensorielle. Il y a eu des expériences de la fin du 19e siècle jusqu'à, je dirais, fin des années 80, début 90. Que là, c'est plus caché, on dirait, depuis. Mais ça a tout répertorié, puis je m'étais essayé à plusieurs. Puis je m'étais rendu compte que j'avais certains talents, certaines choses, d'autres non. De toute façon, je ne sais pas si tu connais ça, c'est l'Institut. C'est rattaché à une affaire en Angleterre, l'Institut métapsychique, je ne sais pas trop. Là. Ils font passer des questionnaires aux autres pour définir si tu es plus, par exemple, si tu es plus émetteur ou récepteur au niveau télépathique. OK. Puis eux autres, ils font ton profil psy, mettons. C'était par correspondance, tu remplissais un affaire, puis en tout cas. Mais il y en a, ils vont dire, bon, ben il y a eu des affaires louches là-dedans, mais il y a tout le temps des affaires louches dans tout, de toute façon. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est ça, là, c'est même à mes yeux, c'est au niveau de constater qu'il y a certains phénomènes que c'est réel. Pas au sens que ça correspond, puis ça répond parfaitement à la théorie qu'on en a, mais au sens où on peut constater qu'il y a possibilité là,

Puis aussi que l'information va être diffusée dans le monde, mais retardée en même temps. Parce que ça va être diffusé tranquillement chez des gens qui vont la. Les autres, ils vont être sacrifiés pour l'introduire. Il y a des choses que les premiers qui ont découvert ça, ils ont été persécutés, c'est normal. Mais ce que moi, je trouve pas normal, c'est qu'on en soit encore à des modes d'évolution lents comme ça. Où il y a encore des martyrs. Ouais, ben c'est ça, les martyrs, les pionniers, les initiés qui ont amené certaines choses sur Terre, dans certains cas, on a payé une facture extrêmement lourde. Et c'est sûr que si tu poses la question intérieurement, à savoir pourquoi qu'on est toujours dans un contexte où il y a le sacrifice qui doit être fait là, dans certains cas de personnes. Il faut amener l'énergie, puis c'est qui va prendre les chocs, la masse. Ça peut pas être la masse, ça va être des individus en premier, puis c'est des lois, ça. Donc, autrement Le dit, les transfert. initiés absorbent les chocs parce qu'ils en ont la capacité, puis c'est pas qui veut, mais qui peut. Puis comme la masse peut pas, ben c'est eux autres qui prennent les chocs, mais en contrepartie, c'est eux autres qui en payent le prix. Ben oui, puis il y a le fait qu'on est dans un monde expérimental, puis que justement, ben, c'est tout le temps par l'expérience. Il faut que les gens expérimentent. Ce qui est nouveau peut pas être expérimenté d'une façon ajustée, parce que c'est nouveau. L'ajustement va se venir avec. L'ajustement se fait à mesure. On est dans de l'espace-temps, puis il faut que ça pose de bon. C'est là que ça devient pénible parce que tous les gens les plus intéressants qui ont amené les choses les plus intéressantes, bien souvent, c'est pas eux qui vont avoir le crédit. On en avait déjà parlé. Mais c'est parce qu'il y a une différence entre la programmation puis ces choses-là, puis le mérite comme on se l'imagine psychologiquement. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais, j'aurais cru, être traités d'une façon aussi ingrate, je méritais pas ça. Ben oui, mais les lois de la planète, ça n'a pas rapport avec le mérite. Non, c'est sûr que tu sais, y a des gens qui peuvent amener des inventions incroyables pour faire avancer l'humanité, mais en contrepartie, sont soit pauvres toute leur vie ou sont pas reconnus. Ben là, c'est sûr que je pense à des gens dans le domaine de la conscience. Tu sais, j'ai un ami, là, Marc Lassalle, qui est décédé, qui a descendu du matériel à travers sa parole, mais de son vivant, il a jamais été riche avec ça, là. Ouais. Ben ça dépend tout le temps aussi de l'information que ça te dit. Puis vibratoirement, si. Parce que est-ce que ça lui disait qu'il allait faire de l'argent avec ça? Ben, c'est sûr que ici, je vais être délicat parce que c'est quand même un enregistrement public, mais bon, je vais être sage, je ne répondrai pas à sa place. Par contre, Parce que l'affaire, c'est. On a affaire à des. C'est comme je disais tantôt, quand le but c'est d'amener une information, c'est qui va payer pour. Puis s'il faut pour amener cette information-là, s'il faut. On se fait manipuler. C'est pour ça que l'affaire. Si le but c'est d'amener une information, ils vont. C'est comme des politiciens, là. Moi, les forces, pour moi, c'est un peu comme des lobbyistes, puis toutes sortes d'affaires. Dans le sens que pour la fin justifie les moyens vu de certains plans. Puis l'être humain, il n'est pas respecté autant qu'il pense qu'il mérite. C'est pour ça que les jobs les plus importants sont toujours les plus ingrates. Puis ça a l'air d'être normal. Donc, Puis de autrement toute dit, c'est façon. normal que les initiés, par exemple, qui ont un travail important parce qu'ils amènent des nouvelles idées en société, des nouvelles notions, des nouvelles vibrations. Ben, si on pense par exemple, à Jésus qui nous est rapporté là, par l'Église, puis tout ça, qui a été sacrifié par la croix. En tout cas, ne serait-ce que Jésus en termes d'archétype, là, je ne parlerai pas d'un Jésus historique, que cet individu-là aurait payé de sa vie par rapport au contenu qu'il a ramené sur Terre. C'est sûr que quand je regarde ça, je trouve que c'est comme au niveau humain, là, c'est vraiment très ingrat, comme tu le dis, là. Ah ouais, mais là, en quoi c'est très gros, c'est volontaire, c'est su d'avance. C'était su d'avance. Ouais, mais est-ce Ça que... faisait partie de la patente. Ouais. Quand tu acceptes une job, ben t'affiches jusqu'au bout. Mais ce que sur le terrain sur lequel je veux t'amener, est-ce que la conscience de Jésus avant son incarnation était au courant de tous les tenants et aboutissants de cette dernière en termes de scénario de vie? Ça, je le sais pas, mais une fois incarné, c'est sûr que oui. Rendu à un certain âge. Parce Mais une que. fois incarné, puis s'il développe un ego, puis l'ego est voilé, donc à ce moment-là, il y a une partie du réel qui lui échappe. Non, non. Ben, ça dépend, là. Si on parle de quelqu'un qui est vraiment une incarnation directe de l'esprit, il n'y a pas d'ego voilé. Autrement Et dit, bah. OK. Fait que son ego est totalement transparent, puis il sait qu'est-ce qui va arriver, puis... Il y a des voiles, mais c'est les voiles du monde. C'est le monde. OK. Mais c'est pas l'ego qui est voilé, là. Je veux dire, tout est su, pareil. Puis à un moment donné, bon. Ça a été présent, on dit ça. D'après ce qui est rapporté, ça a été présent jusqu'à la fin. À part un moment donné, ça c'est comme ça a lâché. Puis là, on entend un ego très humain qui dit pourquoi m'as-tu abandonné? Mais avant ce petit moment-là, ça avait l'air d'avoir tout été présent. Il n'y a pas eu l'air d'avoir de. Donc, il y avait une certitude qu'il devait avoir un savoir que. Parce qu'après, du bon, tout est accompli, ben oui, tu sais. C'est s'enligner vers ça. Fait que, moi, je vois pas de. C'est quand tu fais quelque chose sciemment, puisqu'on peut dire que c'est ingrat, il y a quelque chose d'un contrat quelque part. C'est ça, un mandat. Oui, exactement. Et la question se pose, un contrat avec qui ou quoi? Ben moi, je ne vois pas ça comme avec quelque chose, nécessairement, parce que c'est la chose qui vient traverser plein de plans pour eux. Parce que si c'est vraiment une source qui s'incarne dans un homme, l'affaire de Trinité, là, on là, c'est plus pareil. C'est plus. Le contrat, il était avec lui-même, puis tout le monde. Même si il n'y a pas de contrat en dehors de ça, puis le reste de l'humanité. Après ça, il y a un mandat, oui, mais le contrat, il est avec l'humanité, il n'est pas avec. Comment est-ce qu'un principe comme ça, qui est trop en un, pourrait être divisé à ce niveau-là, pour au point d'être obligé de pactiser en lui-même? C'est des lois universelles qui s'activent. Le mandat, il est engendré par quelque chose de cyclique, de naturel, pas par un contrat comme nous autres on le conçoit. Non, non, je comprends que ce n'est pas un contrat avec un notaire, là, mais est-ce que ça serait une orchestration de par le champ quantique qui cherche à manifester certaines choses sur le plan physique? Ce qui est manifeste, là, bon, il est manifeste. Je veux dire, ce qui est de quoi qu'il cherche en arrière, ben c'est pour ça qu'à mes yeux, c'est tout des. C'est autorégulé, c'est des affaires qui se font toutes seules. Puis, bon, est-ce qu'on peut arriver à des histoires là, comme la synchronicité, puis la physique quantique, puis des cellules mélangées, tout ça. Puis, c'est là où je considère que ça, c'est des formes qui me font pas vibrer. Ben Parce c'est que. correct, oui. Parce que. Même c'est là où même les textes plus anciens sont plus intéressants, quasiment. Puis ça parle des mêmes choses, mais c'est dans des mots plus simples. Puis on n'a même pas besoin d'être scientifique pour comprendre. Ces affaires-là, est-ce qu'on a besoin de les comprendre? Ben, ça dépend, c'est quoi ta fonction dans ta vie puis dans celle des autres. Si toi, à faire de la vulgarisation scientifique, pour, par exemple, faire le pont entre la science de l'esprit et la science matérialiste, dans une certaine mesure, ça peut être intéressant. C'est pas une vulgarisation. Ça, s'il y a quelqu'un que c'est son mandat de faire ça, il va avoir l'éloquence que ça va se faire tout seul, puis il n'aura même pas besoin de vulgariser. C'est le public auquel il s'adresse qui va faire monter le niveau. Il va pas niveler vers le bas pour descendre au niveau vulgaire du public. Il va se tenir juste au-dessus, puis tout le temps faire monter son public. C'est supposé être ça. C'est pour ça, moi, la vulgarisation, j'aime pas ça. Mais en même temps, J'aime si tu pas ça. t'adresses à un public, il faut que tu t'ajustes à lui, parce que si tu Ouais, mais t'empoignes. il faut tout le temps que tu sois une petite coche au-dessus de lui, pareil, Ben, faut que pour tu l'amènes à que. aller plus loin, je suis d'accord avec C'est toi. ça. Mais s'il y a trop de termes techniques ou même au niveau purement Ah oui, vibratoire, c'est trop t'expliques les dense, termes. C'est ça la vraie vulgarisation. ben là, on s'entend, mais c'est parce que dans ma définition D'y de la vulgarisation. faire intégrer des choses au Oui. public. Une fois, tu fais qu'une introduction, tu t'expliques un petit glossaire, puis après ça, tu n'as pas besoin de vulgariser. Tu vas prendre les termes habituels, usuels, puis le public, il va pouvoir suivre. C'est un peu comme une légende dans le bas d'une carte. Parce que c'est un peu comme là, on est en train de vouloir expliquer des choses extrêmement complexes, des fois avec le vocabulaire des quilles. Puis, Le vocabulaire quelque des part, le vocabulaire des quilles, c'est une quilles? façon de parler en voulant dire des quilles, Des quilles, ok. du bowling. Oui, ok, là, je te comprends, là, je... Ça, on veut faire de la philosophie avec le vocabulaire du bowling, puis des parties de pêche. Le monde, si ton public il a la vibration d'intégrer une certaine information, t'as pas à niveler vers le bas, puis il va se trier de lui-même. Moi, la vulgarisation grand public, j'en ai horreur. Parce que là, on se ramasse, il y a du monde qui parle de Freud, puis ils n'ont jamais lu Freud. Puis ils parlent de des complexes comme quelque chose de conscient, alors que Freud, pour Freud, c'est pas conscient, complexe, tout le temps inconscient. Puis on est rendu avec une culture populaire où les termes ont perdu leur sens. Puis où les gens sont plus capables de. C'est pour ça là, qu'à vouloir vulgariser tout puis rendre accessible tout, on nuit quelque part, là. On met dans le grand public des choses qui perdent leur sens, mais dans le sens qu'ils devaient avoir, là, puis ça devient. Non, mais c'est sûr, ça peut pervertir dans une certaine mesure les formes originales, mais en même temps, vaut mieux dans certains cas avoir une forme qui est diluée plutôt que pas de communiquer de forme du tout qui va permettre un rehaussement éventuel. Ben là, comme de parler, comme dans les années, dans certaines années, là, que la psychanalyse est devenue bien à la mode, de parler de syndrome d'Oedipe au grand public, puis des affaires de même, ça a donné quoi? Ça a troublé le monde, c'est tout. Ils sont tout mêlés encore plus, puis là, on peut leur faire passer des conneries encore pires. Puis là, ça s'en va vers n'importe quoi. Là, on n'est pas dans informer le public. On n'est pas dans vulgariser. On est dans la formule publique au niveau comportemental à partir de la perception, puis du traitement de l'information, puis de la façon dont ils traitent l'information. C'est pas ça, vulgariser quelque chose, c'est pas ça, rendre quelque chose accessible au public. C'est servir de langage hermétique qu'on abaisse au niveau du public pour le mêler, qu'après, si le public par lui-même, il décide d'aller voir, il va être mêlé. Il est désinformé à la base. C'est pour ça que, comme les émissions de pop psycho là, qu'il y avait à la télévision, puis j'ai entendu des conneries là-dedans. J'en ai des fois là aussi des gens, des experts qui viennent à des espèces de programmes, comment je pourrais dire ça, d'après-midi, là, mettons, ou de matin, du matin. Puis de les dire des conneries, c'est évident que c'est pas de la vulgarisation. Le monde, ils vont pas. Ils pourront pas intégrer l'information comme du monde parce que l'information qui est donnée, le public est tellement sous-estimé. Avant de vulgariser, il faut respecter l'intelligence puis les capacités du public, puis aussi le fait que possiblement dans ton public, il y a une capacité de se rehausser. Oui, il y a certains gens qui sont capables de se rehausser, mais c'est sûr qu'ici, quand que je parlais de vulgarisation, c'était pas dans le sens de mépriser l'intelligence du public, là. C'était plus dans le sens, je vais te donner un exemple concret. Par exemple, admettons, je m'intéresse au domaine financier, puis c'est sûr que j'ai pas fait d'études universitaires par rapport à ce sujet, donc d'écouter un documentaire qui vise à présenter des notions comme, par exemple, le taux d'intérêt. C'est quoi par la suite un prêt hypothécaire, des choses de base. Je trouve ça intéressant que ça soit présenté avec une certaine clarté, une certaine simplicité pour appréhender ces concepts-là, là. Ah, ben ça, comme par exemple la finance, ces choses-là. Là, on entre dans des choses, bon, il y a différentes. Mais la base va tout le temps être pareille. Donc, c'est les mêmes termes vont tout le temps signifier la même chose. Donc, c'est déjà moins pire. C'est pas comme, par exemple, dans le monde des formations personnelles qui sont données, puis dans ces choses-là, faut comprendre que c'est un marché. Ah oui, ben là, c'est plus subjectif, là. C'est sûr, la psychologie populaire, puis la croissance personnelle. Là, des fois, Ouais. je vois des choses. Je veux dire, c'est vraiment spécial. Ils vont mêler des choses ensemble que j'ai pas de la difficulté à comprendre qu'on puisse. C'est un peu comme du pâté chinois, c'est bien bon. Puis de la tarte aux pommes, c'est bien bon. Mais ça veut pas dire que si t'aimes ensemble, ça va faire une bonne recette. Puis là, il y a des affaires, des fois, que on est en train de tout mêler ensemble. C'est une sorte de synthèse. C'est simpliste. C'est ce genre de vulgarisation-là que j'aime moins. Je te comprends. Parce que là, c'est de vendre des formations, puis de vendre. Ben, c'est parce que des fois, ils cherchent à vendre du rêve aussi, tu sais. C'est sûr que, ben là, si je pense à la physique quantique qu'on entend souvent parler sur Internet, ben, il y a des gens qui essaient de vulgariser ça. Puis en même temps, ben, c'est complexe, tu sais. Si on pense à l'intrication quantique qui fait en sorte que, par exemple, deux particules sont interreliées, puis une agit sur l'autre alors qu'ils sont à distance. Ou le même objet qui peut être à deux endroits différents. Il y a différents phénomènes physiques qu'avec l'intellect, la réflexion, c'est très difficile à appréhender. Fait que. Ben surtout quand il y a des liens fréquentiels qui comme ça, qui vont au-delà de la fréquence comme on la connaît. C'est plus rapport avec une longueur d'onde ou une vibration, là. Ce qui va lier des choses qui sont liées comme ça. Mais c'est. Il y a même des choses, même les scientifiques, ils vont employer un langage hermétique, mais eux-mêmes, c'est très vague. Ce qu'ils expliquent puis ce qu'ils perçoivent. Parce que là, on n'est plus dans. On n'est pas non plus dans. Tu sais, comme les mathématiques euclidiennes que tu peux démontrer. Puis là, on est dans quelque chose, on constate quelque chose, puis là, il faut le théoriser après. Puis on a la preuve, mais on n'a pas le calcul. C'est comme quand ils se rendent compte que certaines particules peuvent traverser des espaces que techniques. Puis après, c'est là, ils ont la preuve, ils le voient, mais là, ils n'ont pas la. Ils n'ont pas. Ils ont. Comment je pourrais dire ça? Ils ont la preuve, mais ils ne peuvent pas la faire. Fait que là, eux-mêmes, là, ça vient. Puis là, on est quasiment rendu. On s'en va vers des choses. L'être humain, des fois, ça devient inquiétant. Heureusement, ben, je me dis, il y a des choses, ça ne sera pas vu tout de suite. Ça serait troublant. Mais il y a des affaires qui ne se comprennent pas, puis il ne faut pas que ça se comprenne tout de suite. Moi, ça m'inquiète. Parce que les gens ne seraient pas prêts à intégrer ça et utiliser ça intelligemment, un peu comme si on pense à la bombe nucléaire, tu sais, pourquoi que ça a été permis que l'être humain ait accès à la bombe nucléaire alors qu'il n'y a pas nécessairement la maturité pour la gérer, puis ça aurait pu amener à la destruction de l'humanité? On dirait qu'il y a une surveillance pareille. Puis qu'il y a surtout. Ça me fait penser. On a affaire à quelque chose de tellement terrible que c'est surtout dissuasif, à mes yeux. Puis là, on essaie de nous faire peur. Comme quoi, par exemple, les Iraniens, eux autres, c'est des mystiques fous de Dieu. Ça, j'y crois pas 2 secondes. Les Perses, c'est pas des imbéciles. Pourquoi, pour des raisons religieuses, ils vont se faire sauter eux-mêmes? Y a-tu quelqu'un qui a pensé à ça, que si Israël, elle envoie une bombe nucléaire sur un de ses voisins, elle va être irradiée? Que ça se tient pas? Non, Y a pas exactement, mais on nous présente des interprétations de la réalité dans les médias qui sont en relation avec certains agendas politiques. Est-ce que l'être humain, il y a tant que ça entre les mains des choses aussi terribles? Ou bien si c'est surtout dissuasif puis qu'on nous en pose pas mal. Ben, c'est sûr qu'après la Deuxième Guerre mondiale, bon, à part les antécédents, voyons, les événements qui ont été Fukushima et Nagasaki, où des bombes ont été larguées, mais après ça, là, pendant toute la guerre froide jusqu'à aujourd'hui, ça a été plus une arme de dissuasion massive, l'arme nucléaire. Bon, ben, il y a des choses, notamment Hiroshima, que par rapport au terrain. veux dire, comment ça se fait qu'on peut aller au musée là, commémoratif, puis où est-ce que le Ground Zero d'Hiroshima, il y a encore la bâtisse, là, le dôme, puis comment ça, moi, si, admettons, je décide d'aller au Japon, je peux visiter ça. C'est pas irradié? Ah, mais là, les années ont passé, Ah, ouais. puis... Je suis pas sûr, moi, de ce qu'il y a eu là. J'étais pas là. Oui, tu soulèves une bonne question. J'étais pas là. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, la gang de redingotes en noir, ils voulaient signer la reddition, puis là, Hirohito est à la radio, puis c'est bizarre. Il y a d'autres choses, là. Parce qu'Hirohito qui annonce, ah là, il y a une arme, c'est trop terrible, on n'est pas capable de faut. Non, non, il y a d'autres choses. Puis là, après, MacArthur, puis. Puis là, la gang de haute forme, puis de redingotes qui vont signer leur patente, là. Non, non, non, non. Si on regarde là, dans le temps de l'empereur Meiji, c'est la façon dont ça fonctionnait avec les puissances étrangères. Puis, il y a eu d'autres choses que l'arme atomique. Mais Il y a quelque chose d'autre. est-ce que tu sais Peur c'est quoi sur cette Terre. autre chose-là? Non, je sais juste que ça fond, ça marche pas. Moi, à mes yeux, il y a des invraisemblances. OK. Il y a des choses qui se tiennent pas là-dedans. On s'est servi d'une grosse charge émotive pour que les gens, justement, comme les maîtres d'un État, qu'ils se rendent pas trop compte qu'il y a des invraisemblances à cause de la charge émotive. Oui, dans le sens que l'émotion rend aveugle. Ben, ça rend irrationnel. C'est plus facile après faire à croire des choses. Mais en même Pour temps, moi. si l'individu est au-delà de la rationalité ou de l'intellect, comme on le parlait tantôt, ben c'est là qu'il peut accéder au réel. Ouais, mais moi, d'un autre côté, ce qui s'est vraiment passé à Hiroshima, je m'en fous. Je le sais juste, c'est juste parce qu'on en parlait. Moi, Oui. je le sais, je suis pas sûr. Il y a des affaires que. La bombe atomique, comme on nous l'a décrit, puis aussi, si on regarde. Les endroits où il y en aurait eu, là, comme Hiroshima. Puis... Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je suis pas certain. C'est comme les tests qu'il y a eu là, dans le désert américain, mais aussi les Français sur des atolls. Puis... Il y a des choses étranges. Puis même dans des phénomènes, je sais pas si tu as déjà vu ça, les poissons qui grimpaient dans les arbres. Ça, c'est. Je sais pas s'il y en a qui vont. Pourraient. En tout cas, s'il y en a que tu connais, là, qui pourraient. Il y a un documentaire italien, je me rappelle plus du nom des années 50. Il me semble que c'était italien. OK. Puis dedans, on voit des poissons autour des atolls français où les Français testent une arme atomique. Les poissons sortent de l'eau et grimpent dans les arbres. Mais c'est-tu des poissons volants? Non, non, c'est des poissons. Des OK. poissons, c'est vraiment des poissons. Il y Je veux aurait dire, c'est pas connu. des poissons avec des ailerons ou. OK. Mais il y Puis aurait... c'est. pour grimper dans les arbres, là, est-ce qu'il y aurait connu des mutations génétiques qui leur permettraient Ah d'avoir non, des pattes? pourtant, j'ai vu ça filmé. OK. Puis je sais plus si c'est des années fin 50 ou début 60. Mais ça, je me rappelle d'avoir vu ça. C'est dans les choses les plus étranges que j'ai jamais vues. Puis d'après moi, même au niveau de technologie atomique. Il y a des choses qui sont. Parce que ça, c'est vraiment étrange, là. J'avais trouvé aussi Fukushima, pas longtemps. Il y a eu des phénomènes étranges autour de Fukushima. On dirait qu'il y a quelque chose de lié au nucléaire. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Bien, il y a eu plusieurs choses qui ont eu cours au Japon. T'sais, il y a eu l'incident de Fukushima en 2011 avec la centrale là, qui a été affectée là, par, dans le fond, le tsunami où c'était un tremblement de terre là, en Oh, 2011. c'est un tremblement de terre qui aurait déstabilisé la centrale, là, les refroidisseurs. Je Ouais, exactement. Mais tu sais, il y a eu beaucoup d'implications entre le Japon et le nucléaire, parce qu'il y aurait eu justement la bombe de Nagasaki, d'Hiroshima, en plus de l'incident à Fukushima, pardon. Donc, il y aurait comme trois incidents quand même importants impliquant le nucléaire. Et c'est sûr que par rapport à ça, il y a un questionnement à voir si ce peuple-là avait un karma en relation avec l'usage de cette énergie en lien avec des vies antérieures ou des incidents qui auraient eu cours dans les humanités passées, là. Aucune idée. Ben, de toute façon, les Japonais, C'est un peuple mystérieux. Ils viennent clairement de Chine, puisque les vrais habitants, les premiers insulaires du Japon, c'est les Ainu. Les Ainu n'ont pas des traits comme les Japonais du tout. Ils ont les cheveux hirsutes, ils ont les yeux bleus des fois. De moins en moins, parce que là, il y a eu des mélanges. Puis on les mettait aussi dans des réserves, un peu comme on fait ici avec les Autochtones. Puis c'est les Ainu, les premiers habitants du Japon. Puis tout je pense que c'est la période, je sais plus trop, là, il y en a peut-être, sont plus qu'avec moi, là-dedans, sont ceux du Jomon, que les Japonais ne viennent pas du Japon, à la base, là. OK. C'est probablement dans le temps que Kinchikwan, l'empire des Qin, il a dû envoyer des expéditions. Puis c'est clairement des Chinois qui ont colonisé le Japon. Mais probablement du temps du royaume des Qin, là, le premier empire. Parce que ça fit avec mais les Japonais, à mes yeux, c'est un peu. Si tu regardes comme les Coréens, sont plus grands. Il y a eu quelque chose des mélanges qui font que le bassin génétique dans le coin s'est amélioré. Et je vois pas, je veux dire, les Japonais, ils n'ont pas des traits comme les gens d'Eurasie, là. Ils n'ont pas les pommettes pareilles. Puis là, moi, je suis pas anthropologue, mais les Japonais, c'est clairement une race nouvelle. Je veux dire, sont récents. C'est un OK. peuple qui est récent, très récent. Puis ça joue beaucoup, hein. Ben, Mais c'est toute un leur peuple culture récent, mais est. en même temps, ils ont une culture ancienne, là. Tu sais, je veux Ben, si dire. tu regardes les kimonos, ça vient des Han. Je veux dire, il y a une grosse influence de la Chine. Parce que les kimonos, c'est des Han fous, là. Ça a été une influence dans le temps des Han. Mais il reste que c'est un peu pressant dans le sens où ils ont tout repris à leur sauce, puis c'est comme une synthèse de la péninsule autour. Puis si tu regardes les Coréens, ils sont comme à mi-chemin entre les. Mais c'est un peu pressant, les Japonais, puis si tu as se demandé. En tout cas, parce que ça fait longtemps hein, qu'il y a des. Moi, je vois ça comme une ferme. Puis ça fait. Je pense que les Japonais ont été évolués. Japonais. C'est des expériences, des ensemencements, puis là, qu'il y ait des problèmes avec le nucléaire, je veux dire, le Pacifique est stratégique, puis. Mais de toute façon, le nucléaire, on dirait que ça fait longtemps que l'être humain est au courant de ça, qu'il s'en est déjà servi avant. Ben oui, ben en Inde, il y a des traces de radioactivité qui laissent entrevoir qu'il y aurait déjà eu usage de nucléaire, là. Puis il est question, c'est sûr, dans la Rig Veda de bataille entre des vaisseaux spatiaux, ou peut-être que le nucléaire, Vimana. ou les Vimana exactement, où le nucléaire, cette énergie-là, aurait pu être utilisée pour détruire des vaisseaux spatiaux adverses, là. Ben, si tu regardes là, il a retrouvé Sodome et Gomorrhe, puis on dirait il y a eu des explosions atomiques là. La pierre a été vitrifiée. Ouais, puis les descriptions qui sont faites où les gens ont été changés en statues de sel, ça représente des gens où ce que justement il y aurait eu une dégradation là, de leur constitution génétique liée à l'explosion d'une bombe nucléaire. Bon, qui était assez loin, là. J'imagine quand t'es proche, tu te transformes en petit nuage lumineux. T'es vaporisé. Ça doit être bien le fun. Ben, je Tu sais, sais ça a pas l'air. pour celui-là qui vit ça là. Je suis sûr, c'est pas le. Tu fais rien là, là. Oh, moi, disparaître serait de même. De devenir un petit courant d'air chaleureux et lumineux. Ben, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait disparaître en vivant une conversion en lumière, donc une Moi. dématérialisation. Oh, c'est pas assez total comme. Mais c'est juste pour dire que par rapport là, même au niveau de la science, puis de toutes ces technologies-là, ces choses-là, on a affaire à des technologies stratégiques. Donc, c'est ça, c'est clair que même ce qu'on pense être l'élite de nos scientifiques, je pense qu'eux-mêmes sont limités. Ils le savent peut-être pas. On a peut-être des gens qui pensent être le top de de leur milieu, le top de leur discipline. Puis au fond, c'est simplement comme des enfants qu'on les laisse jouer avec des retards. Oui, exactement, surtout si l'élite est orgueilleuse. Donc, si elle a un gros ego, ben, elle voudra pas reconnaître ses limites, puis elle peut faire de l'aveuglement volontaire, puis se croire supérieure à son état réel. On peut être supérieur en connaissance. Parce que c'est pas, c'est là où je dis le mérite. C'est pas parce que on a une idée subjective psychologique du mérite par rapport à la programmation, par ces choses-là. On peut avoir des gens qui sont inférieurs au niveau des valeurs là, morales, entre autres, ou au niveau de l'empathie, de la capacité d'empathie, mais qui sont supérieurs en connaissance, pas en moyens. Puis, on n'a pas le choix de considérer que ça n'a rien à voir avec le mérite. Sinon, ça va être naïf. Puis, c'est Ouais, ben, de toute parce façon, le qu'on. concept de mérite, c'est un concept de l'ego qui réfléchit à une condition humaine en fonction de critères socioculturels. Je vois ça quasiment comme un reliquat de la pensée magique. J'ai trop souvent vu du monde. Ça peut pas m'arriver un malheur de même, je mérite pas ça. Le bon Dieu me fera pas ça. Puis, ça n'a rien à voir. C'est juste là de lâcher cette idée-là de, comme on parlait justement, la physique quantique qui est en train de, entre autres, d'être récupérée à toutes sortes de sauces. Puis là, c'est rendu que ça servait à des pratiques là, de croissance personnelle par rapport à la pensée pour changer les événements dans sa vie. Ça, pour moi, c'est naïf. Ça, c'est de la vulgarisation, comme je parlais, que j'aime pas trop. Mais oui, ça a un effet, mais c'est pas, faut pas tomber non plus dans. Tu sais, là, c'est comme ça revient, tant qu'à faire, continuer à allumer des lampions. C'est la même chose. Puis peut-être ça a un effet, sûrement que ça a un effet. Je veux dire, c'est comme. J'avais vu ça avec certains parler, le pouvoir de la prière. Puis. Moi, j'étais là, tu sais, de pas en faire une béquille. C'était juste ça, moi, mon point. J'ai jamais dit que c'était pas réel. Ben oui, il y a un effet. C'est tout un effet. Mais c'est de la force, c'est de pas tomber que c'est une béquille que tu te sers tellement souvent que c'est de moins en moins fort. Va falloir que. C'est comme se répéter des mantras, là. On n'est pas pour faire ça. Du monde, là, qui. Il reste en santé, puis il garde une belle apparence en se disant qu'ils sont beaux, puis qu'ils sont fins. Mais là, on va-tu faire ça toute notre vie, tout le temps, puis tout le temps avoir, être par l'intellect, essayer de contrôler les forces de la nature à notre profit par l'intellect? Est-ce que c'est par l'intellect la meilleure façon? C'est juste ça, moi, mon point. Bien, c'est un bon point que tu soulèves, parce que c'est sûr que, en effet, l'idée de répéter des choses, ça crée une forme d'automatisme et une lourdeur dans la forme, tôt ou tard. Puis ça crée une programmation aussi qui peut devenir limitative, même si c'est au nom de choses qui, entre guillemets, pour l'ego, sont très valables comme la santé, les finances, etc. Ben, il reste qu'il y en a, on dirait que ça marche. Ben, c'est comme j'ai vu ça, un homme d'affaires asiatique, lui, il encadrait de l'argent. C'était par rapport à des. Probablement un taoïste. Puis ils ont une vision très. Par rapport à les rapports de sympathie. Puis le fait d'encadrer de l'argent, même au Québec, on faisait ça, la première pièce, on encadre, puis c'est comme si c'était le noyau cellulaire qui va attirer l'autre argent dans le. Parce que en tant que commerce, tu baignes dans le nourricier d'un marché, puis ta première pièce que tu encadres, ben c'est un peu comme si tu en fais un noyau qui va être Le pôle le d'attraction de d'autres voyez. billets. Puis là, on est dans de la pensée vibratoire pareil, même si c'est intellectualisé, même si c'est, comment je pourrais dire ça, même si c'est naïf, ça revient à ça pareil. Puis il y en a, c'est tout simplement, on dirait que c'est un talent qu'ils ont, puis ça fonctionne. Même si c'est con, là. Je veux dire, moi, je trouve ça con. Ça a l'air fou, là, monter un hôtel dans le fond, avec des statues de dieux taoïstes, puis avec de l'argent encadré, puis des papiers jaunes avec mettre des amulettes partout. Ben oui, mais il y en a que ça fonctionne. Puis c'est tout simplement parce qu'eux autres, c'est la façon la plus ajustée peut-être de pratiquer certaines facultés qu'ils ont, mais d'un autre côté, il y a tout l'invisible, puis on ne sait pas ce qui se passe dans le fond. Fait que là, c'est quoi, là, qui est à l'autre bord de l'hôtel? Moi, les affaires de monter un hôtel, j'ai bien de la misère avec ça. Puis, tu sais, on parlait. Ouais, ben de vouer un culte à des ancêtres, là, entre autres, avec l'hôtel. Moi aussi, j'ai de la difficulté avec ça. Fait que c'est pour ça que j'étais plus à l'aise avec la physique quantique où, par exemple, la personne. C'en est pareil. Oui, mais c'est plus subtil, c'est plus détaché par rapport à des croyances religieuses passées, dans le sens que. Mais même eux autres sont plus proches de l'énergie qu'un gars qui est dans la science. Parce que la physique quantique, il y a une intellectualisation qui est tellement forte que le vieux chinois qui se monte à un hôtel, il est plus proche de l'énergie pareil, parce qu'il l'intellectualise pas trop. Oui, je te Puis. comprends ce que tu veux dire. Par contre, moi, je trouve que c'est plus clair au niveau intellectuel parce que la personne à ce moment-là est dépourvue de préjugés. Il y en a moins, en tout cas, des préjugés religieux dans la physique quantique. Ben, pour un Chinois, il n'y aura pas de pensée linéaire. Lui, pour lui, même là, je parle de taoïsme, mais il peut être bouddhiste, taoïste en même temps. Pour lui, ça ne sera pas contradictoire. Il peut être confucianiste, peut avoir l'affaire d'ancêtre, le confucianisme. Puis pour lui, ça marche tout. Tout marche. Pour lui, ce n'est pas une affaire de préjugés ou de tout est bon. Ça, c'est vraiment les autres sont de même. C'est les Chinois, là, ceux qui ont vraiment la pensée magique, là, tout est bon. C'est pareil, c'est pour ça que si tu regardes le vaudou haïtien, tu as des éléments de catholicisme dedans, c'est sûr. C'est pas des. Ils n'ont pas de mentalité doctrinale occidentale d'école. Eux autres, c'est que ça marche, ça fonctionne. Même c'est pour ça que je dis, pour moi, eux autres sont encore plus proches de l'énergie. Parce qu'eux autres, c'est dans la pratique puis dans le résultat qui sont beaucoup. Mais ils vont être moins dans le. Ils s'en foutent, eux autres. C'est là où c'est aussi dangereux parce que qu'est-ce qu'il y a en arrière de l'hôtel, on ne le sait pas. C'est toutes des religions qui sont des intellectualisations du chamanisme qui étaient liées au rapport de l'être humain avec les énergies de la nature, ce qu'il ressent. Puis, bon. Mais il reste que. Quelque part, il y a une réalité là-dedans. C'est pas pour rien que ça perdure. Mais c'est encore une béquille. Là, au niveau de la science, on a développé la science empirique, le discours de la méthode, puis on peut maintenant voir des phénomènes, même des fois, qui sont liés à des croyances anciennes, puis qui sont irrationnelles à la base, mais on voit que c'est réel, même au niveau statistique, quand on regarde à large échelle. Mais c'est encore une béquille, c'est juste, c'est une béquille plus fancy, Plus plus. sophistiqué. C'est ça. On n'est Ex pas plus proche de l'énergie ou moins proche, mais. Je vois plus souvent entendre tu sais, du monde qui sont dans certaines pratiques, qui vont plus voir des résultats difficilement explicables que quelqu'un qui est dans de la théorie scientifique pareil. Mais c'est un autre piège, c'est un autre. Non, je comprends ce que tu veux dire. En réalité, quelqu'un qui vit une expérience sans avoir toute la compréhension intellectuelle de la mécanique, ben il vit son expérience, puis peut-être c'est plus intense que l'autre qui fait juste réfléchir, puis il va diluer ce qu'il va vivre par l'intellect qui est trop en fonction, là. Parce que une affaire qui ferait peut-être la synthèse, là, c'est peut-être les vieilles sciences. Parce que tu regardes, mettons, les gens à New York, ils vont travailler dans des buildings, c'est des traders, mais après ils rentrent chez eux puis ils lisent des vieux ouvrages juifs de Kabbale. Puis au niveau d'un logiciel de pensée, du fonctionnement du virtuel, puis du transfert des énergies d'une structure à l'autre, ils vont être capables d'appliquer ça à la finance après. Ils vont être capables, par des structures virtuelles qui existent juste dans le monde de la finance, à détourner de l'énergie puis à créer de la valeur à partir de rien. Ça, c'est de la magie. C'est de la magie, là, vraiment. Quand tu es capable de te servir de ton intellect de même, au point de. Ça, c'est ça, dans le fond. C'est juste une science de contrôler l'énergie, de donner une direction. Si la physique quantique, elle vient à bout d'expliquer des phénomènes d'une façon où ce qu'on sera plus pris au niveau intellectuel dans une notion espace-temps linéaire, peut-être que ce qui va venir après la science empirique actuelle, là, ça va être la vraie. La vraie science. Là, ça pourrait être intéressant, mais en attendant. Non, je comprends ce que tu veux dire. Quoique, c'est sûr qu'il existe aussi, tu sais, l'effet placebo, dans le sens que la personne a croit opérer la science quantique, mais c'est peut-être pas objectivement le cas, mais le simple fait qu'elle croit à quelque chose, ben ça lui permet de vivre une expérience. Ben oui, mais ça revient à ça pareil. Ouais. Dans le sens que, admettons, là, la personne, elle donne un sens lié à la physique quantique à certains phénomènes dans sa vie, qu'elle ait tort ou raison, d'une façon précise ou pas, elle a raison pareil, en bout de ligne. Parce qu'on parle de des choses qui expliquent tout, d'une façon qui est pas, mais avec laquelle tu peux te servir pour. C'est peut-être la naissance d'une forme de vraie religion scientifique. Qui va être. L'esprit va être enfin vu, puis l'ego va être enfin vu pour ce qui est aussi, c'est-à-dire un point, puis un véhicule en même temps. La perception va finir par être vue pour ce qu'elle est, un véhicule, puis que tout est véhicule. Qu'il n'y a pas. Y a, tout est vacuité quelque part, mais dans le sens qu'il n'y a pas de spécialité comme on le pensait, que l'énergie est tout le temps là, qu'il n'y a pas de vide. En même temps, il n'y a rien d'autre. Parce qu'il y a juste une seule substance. Exactement. Fait que ça nous ramène au champ quantique, qui est la seule substance à la base de tout ce qui est manifeste. Puis. Ben, ça remonte même. Si, admettons là, qu'on sort de la science puis qu'on le regarde juste d'une façon mystique simple, là, je dirais. Oui. Bon, ben, tout vient d'une même affaire qui elle, vient de nulle part. Tu es en plein dans le taoïsme originel. Puis, ce genre de pensées-là, qui sont pas des pensées, supposément que ça énergise. C'est parce que ça a des effets sur le corps. La façon que tu traites l'information, que tu penses ou que tu penses pas, la façon que tu penses pas. Parce qu'il y en a, ils pensent pas, mais ils ont une façon de pas penser. Ça a de l'effet sur le corps. Puis même des effets étranges. Ben, Physiologique, peux-tu me des donner fois un étrange, exemple inattendu. concret, justement, le fait de pas penser qu'il y a un effet sur le corps? Ben, c'est sûr, si tu penses pas, tu as de l'énergie qui est pas mobilisée. Déjà Oui, parce là, que tu ça vas dépense digérer beaucoup mieux. d'énergie. Ça dépense beaucoup d'énergie de penser dans le sens de réfléchir. Ça, c'est clair, là. C'est très énergivore, là. Mais si tu fais tout en t'en foutant, c'est comme j'ai appris à faire du café avec les années, je calcule jamais. Mon café est tout le temps pareil. Je le calcule pas, je prends le sac puis je le vide de même. Mais je le sais, le savoir de la quantité dans mon corps, comme. Je n'ai pas à y penser. Le fait, comme on dit au pif, il est tout le temps pareil. Ça, pour moi, c'est de l'énergie qui n'est pas mobilisée à mesurer, pas être dans le ratio, le Oui, ratio. je comprends. Probablement ce qui est arrivé au fil du temps, il y a une autorégulation qui s'est faite pour générer un automatisme qui est viable. Ça. Puis ça, pour moi, c'est. L'efficacité même. J'ai pas à penser. Mais cette énergie-là, à force d'avoir des choses comme ça tous les jours, c'est comme maintenant, j'ai. Moi, ça me met tellement en colère. Une des choses que j'ai combattues longtemps, c'est l'insomnie. Puis aujourd'hui, je donne l'ordre de dormir, puis je dors. J'ai plus jamais eu d'insomnie. Moi, ça me met tellement en colère de dormir de pas être capable de dormir quand c'est la nuit. Que ça m'endort. Je deviens tout de suite l'énergie a fait que j'arrête de penser, ça me met trop dans un. Puis je m'endors tout de suite. C'est comme là, faut dormir, je dors. Puis j'étais pas capable. OK, fait qu'autrement dit, tu es capable de commander à ton corps pour. Tu lui dis, tu dors, puis il exécute. Ben oui. Parce que ce qui empêche de dormir, c'est de penser. Oui, ben la réflexion, la rumination qui peut donner de place à de l'anxiété, qui. Oui, ça, c'est clair, là. Puis, contrairement à ce que les gens pensent, on s'endort pas progressivement, on s'endort d'un coup. Quand tu t'endors, tu tombes pouf endormi. Puis, il n'y a pas eu une transition aussi dégradée qu'on pense. Ben, ça, c'est quand que l'intellect, il lâche. Immédiatement, tu tombes. Puis, il y a moyen d'avoir le contrôle sur ça. Mais le côté. Mais sinon, je t'arrête ici parce que, dans le fond, je vis des fois de l'insomnie, non pas par rapport au moment de m'endormir, mais au moment du réveil. C'est-à-dire, malgré moi, par exemple, je vais me réveiller à 4h30 le matin, puis je ne l'ai pas choisi en tant qu'ego, puis là, je veux me rendormir, puis là, je suis pas capable. C'est comme si mon corps a un rythme biologique qui part de là mon ego, puis je suis obligé de composer avec lui, tu sais. Je peux pas... j'ai essayé différentes choses, là. Écouter de la méditation, de la musique douce, peu importe. Mais je suis pas stressé non plus, tu sais. J'allais dire pour me calmer, mais je suis pas stressé. Fait que, tu sais, est-ce que tu peux commander également au moment de ton corps de se réveiller ou c'est auto-régulé? Ben, ça, je pourrais pas dire parce que j'ai pas du tout la même perception de ça. Okay. Si je me réveille à 4 heures du matin, je me mets immédiatement à faire quelque chose. Parce que ça veut dire qu'il faut que je me lève. Je vais pas essayer de me rendormir. Tu résisteras pas à ça? Non, jamais. Mais, si je me réveille de bonne heure, je me mets tout de suite à faire quelque chose. Je regarde les cours ailleurs dans le monde. Ben, je vais me mettre à prendre des notes ou je me mets à lire les journaux en Europe qui sont déjà sortis, s'il est bien de bonne heure. OK, mais si ça occasionne, est-ce que, parce que, tu sais, dans mon cas, je me réveille tôt, fait que des fois, je me dis, je résisterai plus, je vais me mettre en action au moment que je me réveille. Par contre, des fois, je me ramasse fatigué en cours de journée. Oh, ben, des fois, je vais être porté à être fatigué, des fois, vers 3 heures de l'après-midi, je peux dormir 15-20 minutes, puis après, je vais être correct. Mais ça m'est jamais arrivé comme problème, fait que je sais pas. OK. Parce que... je me pose plus de questions, dans le sens que si je me réveille, c'est parce que je suis réveillé. Mais s'il fait clair ou qu'on est le matin, même s'il est bien, bien tôt le matin, je considère que je vois pas de... ça me met pas en colère d'être réveillé. Donc, si je me réveille à genre 2 heures du matin, là, je vais me réendormir. Parce que ben, je vais essayer de pas juste quoi faire. Là. Je vais aller aux toilettes, mais je vais me réendormir. Mais si je me lève à 4 heures le matin, je ne vais pas résister. De toute façon, je sens que ça va se lever. On dirait que quand le jour est sur... plus le jour est sur le bord de se lever, plus je deviens actif de toute façon, plus je me réveille. Je sens quasiment le soleil à l'horizon, là, même s'il fait noir. Oui, ben c'est intéressant parce que je vis à peu près la même chose que toi. Je me réveille tôt, puis... comme par exemple de ces temps-ci au Québec, parce qu'il y a de la neige au sol. Quand il y a de la neige au sol, j'ai tendance à me réveiller encore plus tôt. C'est comme si je le sens, ça me dynamise. C'est drôle, c'est difficile à expliquer, là, mais... oui, bien, qu'on le veuille ou pas, il y a la planète elle a des cycles, puis il y a des jours. Puis nous autres, en tant que système, ben on est d'un système dans un système. Aujourd'hui, j'essaie de ne plus entrer en conflit avec mes propres cycles. Si je m'endors trop de bonne heure, ben là, je résiste, puis mais je vais tout le temps situer une logique qui est liée au fait que je veux dormir la nuit, puis je veux être réveillé le jour. Puis c'est vraiment devenu avec le temps la colère qui a fait ça. Parce que l'astral est très fort la nuit. Puis j'ai passé des nuits à me casser la tête avec des conneries. Puis, juste le fait de l'avoir vécu pendant des années, ça me met tellement en colère. Juste l'idée que je pourrais être maintenu réveillé la nuit, ça me met tellement en colère. Je peux plus là, accepter ça. Je peux pas accepter de l'insomnie. Oui, non, je comprends. Mais pourquoi que l'astral serait plus forte la nuit que le jour? Parce que, qu'on le veuille ou pas, la lumière du soleil, elle a pas juste des effets matériels. Ben dans le sens, tout est matière, plus ou moins subtile, pareil. Au niveau de la lumière, là, la lumière, c'est pas rien qu'un symbole. La lumière, ça fait pas rien de tuer des bactéries ou... des virus. Ouais, je parle quand la planète, elle baigne dans de la lumière, la partie qui fait le jour, l'astral est pas pareil. C'est très différent. C'est comme... si tu regardes là, comme les gens qui travaillent qui sont ambulanciers ou policiers, ils vont te le dire. Ils vont avoir des délires le jour, ils vont avoir des problèmes le jour, mais pas autant que la nuit. Il y a des heures, là. Surtout en plus si c'est à pleine lune. Là. Ben, comme l'affaire qui est arrivée à Québec, là, c'était à pleine lune le 31. Là. Le pauvre Liab, il n'y a pas. Oui, bien, un concours de circonstances, tu sais, c'est ça pour contextualiser pour les gens qui nous écoutent un peu partout. Il y a un individu qui était déguisé pour l'Halloween avec un sabre qui se promenait dans les rues de la ville de Québec. Et puis là, il s'est décidé de s'en prendre à plusieurs personnes. Et il y a eu deux meurtres puis trois personnes blessées, là. En tout cas, il s'en est pris avec un sabre. Ce que je pense qu'il y a eu 5 blessés. En tout cas, il y a au moins 5 blessés, dont 2 personnes qui seraient mortes, là, de ce que j'ai compris par rapport à l'événement. Mais Donc, c'est sur des. Dans le fond, c'est quelque chose. Sur ça s'installe sur des années. Parce que ça, c'est un phénomène de possession. C'est-à-dire, il faut que la personne elle ait été fascinée à un moment. Ça doit être par des affaires de sabre puis de tuerie de masse. Puis après, il faut que ça soit devenu une obsession au cours des années. C'est-à-dire, c'était une idée qui revenait. Puis là, finalement, le point culminant, c'est la possession. C'est-à-dire, la personne, ces forces-là qui viennent pas d'elle, elle prend totalement le contrôle quasiment. La personne va être totalement dans un état second, peut avoir agir selon ses obsessions, ses pensées parasites. Mais ça va être bien plus. Ça risque d'être la nuit, puis ou bien souvent ce qu'on va voir, c'est à mettons, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose comme ça le jour, il n'a pas dormi la veille. Il a passé la nuit à se préparer. Puis rendu au matin, il est allé stérer, puis le jour devient une continuité d'une astralisation qui est de la nuit. Qu'il C'est de court la nuit, il est l'intensité. encore sous influence par rapport à ça, puis peut-être le fait qu'il n'a pas dormi, il est fragilisé aussi dans son physique, là, tu sais, il est moins en forme, là, puis il est moins alerte. On parlait du phénomène de l'astralisation d'un individu. T'sais, qui peut se léchonner sur plusieurs années, puis le fait que lors de la nuit, les forces astrales sont en puissance. Ah oui. Ben même les gens qui subissent carrément des attaques, ça va être la nuit souvent. Le jour, ça va être des pensées. La nuit, ça peut être, là, ça va être vibratoire très fort. Il y en a, ils se sentent quasiment mourir la nuit. Il y a quelque chose qui vient leur tirer toute leur vitalité. Puis, ça peut être de toutes sortes de natures, mais ça, j'en ai vu des phénomènes dans même, j'en ai vécu aussi. Puis l'astral, la nuit, là, c'est comme les gens qui changent de métier, qui travaillent de nuit. Ils peuvent se mettre à avoir des idées noires, mais ça vient juste du fait qu'ils sont éveillés la nuit. Puis il n'y en avait jamais eu avant. Le Non, manque de lumière. exactement. Ben, c'est sûr qu'il y a, tu sais, des trucs au niveau purement psychologique, comme par exemple le fait qu'il y a peu de luminosité, les yeux captent peu de la lumière de l'environnement, donc une moins de stimulation moins grande au niveau du cerveau qui est là. Ben oui, c'est que le cerveau, c'est comme une radio. Mais c'est plus aussi comme un muscle, parce que c'est une affaire matérielle. Le cerveau, puis les connexions synaptiques, il y a un paquet d'affaires, ça va être influencé à ce que tu fais avec ton cerveau. Fait que, dans le fond, là, quelqu'un qui est tout le temps en train de capter des affaires basses, il va être plus habilité à capter ça. C'est tout. Je le vois comme ça. Quelqu'un qui est tout le temps en train de. Il y en a, ils vont être nocturnes. Puis pourquoi? Parce que c'est dans leur nature, ou bien c'est une phase de leur vie qui va être comme ça, ou ils vont être portés vers des métiers de la nuit. Ben, c'est des métiers liés au même genre de choses. Ça va être genre des gens qui travaillent dans des bars, ils vont avoir affaire à des cas de violence, ou si t'es ambulancier ou policier, ou peu importe les travaux qui sont liés à la nuit, ça va être lié à tout ce qui est des phénomènes astraux, c'est-à-dire la maladie mentale, la violence. Ça arrive le jour, ces choses-là. Mais la nuit, le contexte n'est pas pareil. Puis aussi, il y en a des ambulanciers, des policiers, ils voient des choses la nuit, ils n'ont pas vu ça le jour. Des fois, des cas, là, mais quoi que j'ai aussi, ça arrive le jour, là, des choses vraiment impressionnantes, là, des fois, là. Oui, parce qu'une fusillade peut arriver le jour, tu sais, c'est pas juste la Moi, nuit, je là. parle plus des phénomènes, là, que c'est difficilement explicable. Une OK. fusillade, c'est pas si pire, mais monsieur un policier m'avait rapporté, c'est une femme qui s'était enfermée dans le fumoir d'un étage de psychiatrie d'un hôpital, puis il y avait, tu sais, les chaises de salle d'attente en chrome. Tu sais, c'est des chaises carrées avec une forme simple, là. Il disait, elle prenait les pattes pas tordre de ça, de même. Une petite madame d'à peu près 100 livres. Avait de la force. Il y avait de quoi qui était pas normal, le regard aussi. Il a dit, j'ai vu qu'il y avait de quoi de pas normal. Il dit, moi puis l'autre, on était nerveux tous les deux, on avait la main sur une gonne, pourtant on n'avait pas de raison. Puis il était en dehors de la patente, il y avait une porte vitrée, tu sais, Mais avec c'est des ça me gouttelettes fait de quoi. penser parce que j'étudiais récemment le phénomène de transe chamanique. fait un enregistrement là-dessus. En fait, la transcognitive, devrais-je dire. Puis en état de transcognitive, les capacités physiques de l'individu sont augmentées. Oui, mais même des fois, c'est. Il y en a, ils tiennent des barres rougies dans leurs mains, des tisonniers rouges. Il n'y a aucune brûlure, rien. Il y en a, ils mangent de la vitre. Mais ça va être lié. Le chamanisme va être lié souvent à. Ça dépend là, de quoi on parle. Parce qu'il y en a, ils vont faire appel à un chevauchement. C'est-à-dire qu'ils vont appeler quelque chose qui va prendre possession du corps, puis la partie consciente de l'ego, elle, des fois, elle va perdre la mémoire. Mais ça va suivre les mécaniques de possession. Comme dans le vaudou, tu vois, faut créer une facile, la même affaire que la fascination au début ou la mise en vibration, fait qu'il va avoir des rythmiques de tambour. Qu'il y en a un que lui, il est syncopé par rapport aux autres. Puis ça, c'est pour jouer sur le cerveau. C'est pour créer une sorte de. Au niveau des ondes cérébrales, il faut créer un. Sinon, c'est plus difficile d'entrer en contact avec ce qu'il cherche au niveau de. Si on dit que le cerveau, c'est comme une radio. Là, après, il va avoir la même phase que pour l'obsession, mais là, c'est juste que la personne qui mène la patente, elle va se mettre à faire les invocations, ces choses-là. Là, c'est le côté impressionnage par des imagrées, des sparages, pour mettre la personne en condition. Puis là, après ça, là, il va y avoir la phase, là, c'est souvent lié avec la cérémonie, ce qu'ils font. Puis là, paf, il va avoir possession. Là, il y a chevauchement. Puis là, c'est là, tu peux faire venir des entités puis parler avec. Mais c'est des phénomènes de nature. On pourrait lier ça à ce que les psychiatres appellent de l'hyperhystérie. On peut produire un état chez quelqu'un, il va avoir des facultés qu'il n'avait pas. Mais ça a été conditionné, ça a été induit. C'est-à-dire, on peut hypnotiser quelqu'un puis faire croire que c'est un grand mathématicien, puis il va faire des calculs qu'il n'a jamais appris, puis il va être capable. C'est là que des états différés de conscience, mais l'ego conscient de la personne n'est plus. De toute façon, on les voit, ces phénomènes-là, là, avec certains cas là, de psychiatrie qui ont des fragmentations de la personnalité. Quand ils Oui, sont dans ben. un certain état, ils ont des capacités qu'ils n'ont pas dans d'autres. Non, c'est ça. C'est quand même intéressant, tu sais, si l'être humain peut développer des capacités qui pourraient lui permettre d'améliorer son sort à travers ces expériences-là Ouais, mystiques. c'est là que le bât blesse parce que. Dans tous ces phénomènes-là, j'ai jamais vu quelqu'un qui pouvait se servir de tout ça d'une façon consciente, sciemment, volontaire, dans un état normal qui n'est pas altéré. C'est-à-dire, ça faudrait que ce soit au service d'un ego qui est conscient puis qui n'est pas dans un état altéré, que la personne elle pourrait se servir de certaines facultés de la même façon que quelqu'un qui aurait suivi des cours de piano peut jouer du piano sans avoir à se mettre dans un état altéré de conscience. C'est là où on n'est pas loin encore. Je veux dire, dans le sens que si jamais tous ces phénomènes-là qu'on voit dans certains états induits, que un jour on a des techniques ou la capacité de faire en sorte que dans un état normal, qu'on puisse s'en servir, que quelqu'un décide de prendre une barre rougie dans sa main sans être Brûlé. conditionné à penser qu'il est possédé par le dieu de la forge. Ben, là, ça va être intéressant. Mais tant qu'il y a des voiles, puis tant que c'est des choses, ça nous fait des clins d'œil. On dirait que c'est fait pour qu'on sache que c'est possible, on sache que ça existe, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça ne veut pas, hein? Ça veut pas se dévoiler. Ça veut se servir encore du monde, dans le sens que je peux pas croire que. Parce qu'il y a même des gens que tu vas les plonger dans un certain état, puis il va avoir un état presque de science infuse. Tu peux leur poser n'importe quelle question quand ils sont dans cet état-là, genre combien j'ai de change dans mes poches, puis la personne va te répondre. Puis elle va te dire exactement, elle va même te dire, t'as une pièce qui est frappée telle année, telle autre pièce. Et... Ben oui, mais quand tu arrives à des questions comme ça, que tu vas demander, mais oui, mais pourquoi est-ce que. Il n'y a pas possibilité d'avoir ces facultés-là dans un état normal. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir commerce avec des pseudos, des supposées entités? Pourquoi est-ce que ça prend des mises en condition? Là, ça va tourner autour du pot, puis ça ne va pas répondre. c'est là que je deviens très, très en colère parce qu'il y a manipulation par je sais pas quoi qui veut pas répondre. On le voit là, dans des séances de spiritisme, les esprits sont menteurs. C'est même ceux qui ont parti ça, puis en Amérique du Sud, puis même en France, Alan Carter, qui finit par le dire, on peut pas se fier à rien. Ils sont menteurs. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que tu soulèves des bonnes questions pour pas qu'on soit des pions dans un jeu d'échiquier C'est cosmique. ça. Parce que là, mettons que l'espace puis le temps sont pas comme on le perçoit, puis il y a plus différents espaces, il y a différents temps, puis que la conscience est un véhicule, puis qu'il y a des consciences qui voyagent, ou qui sont capables de. C'est là où ce que la physique quantique, dans le fond, elle peut nous ouvrir une porte vers de l'inattendu. On va se rendre compte qu'il y a des animaux, ce qu'on pensait qu'ils n'avaient pas, qu'il y a toute une flore inconnue qu'on ne voit pas, mais qui est là. On risque de tomber sur des choses. Ça va Des commencer. univers superposés. Au niveau Ben oui. technologique, on le voit avec les gadgets électroniques de réalité augmentée, là, puis les jeux comme Pokémon où ce qu'on essaie d'attraper des petits personnages en se promenant avec des téléphones. C'est parce que là, tu sais, c'est comme un outil qui te permet d'affiner ta perception au point de voir ce qui n'existe pas et ne sert à rien. Ou ben, au pire, le Pokémon, tu sais, ça ressemble quasiment à une expérience, ça, de voir socialement jusqu'où le monde va aller. Si on met Pokémon en pleine rue, quel pourcentage du monde va aller se faire frapper pour l'attraper? À un moment donné, j'étais proche d'un cégep dans une autre ville, puis je marchais, puis il y avait plein de monde avec leur téléphone dans un champ à côté du cégep. Je cherchais dans le foin, je disais, qu'est-ce qu'ils font là? Je comprenais pas du tout. C'est rendu après, j'ai dit, oh, ça devait être des Pokémon. Ça venait de sortir. Il devait avoir plein de Pokémon au rôle cégep, puis il savait où les mettre. Ouais, ben c'est en lien que la fascination pour le virtuel là, qui est présente. Mais je veux juste en revenir tantôt parce que tu parlais à Maton des attaques psychiques pendant la nuit. Qu'est-ce que l'individu peut faire concrètement pour neutraliser les attaques psychiques qui peuvent être faites là, sur sa conscience? Ben ça, c'est de les. Tant qu'à moi, là, c'est lié à la personne elle-même, la perception qu'elle a de ça. Si on a affaire à du monde ben sensible, ben impressionnable, ça va être difficile. Mais normalement, tout ça, c'est faible. Je veux dire, c'est pas. C'est des choses. Presque entièrement fait d'imagination. En tout cas, ça agit par ça. C'est des états ambiants intérieurs, aussi extérieurs, mais ça, c'est une projection. Mais ça va agir par l'émotivité, puis aussi comment tu te sens, tu sais, l'ambiance. Des fois, on se sent alourdi, puis on file pas. Si tu le sais que ça vient pas de toi. Puis à un moment donné aussi, on se sent insulté, puis en colère. Ça, c'est fort. Tu sais, là, quand t'es vraiment enragé, là, Chris, je vais avoir la paix, puis je vais dormir, puis vous autres, vous pouvez rien faire contre ça va faire, c'est fini, ça finit là, puis je dors, puis il n'y aura pas moyen de. Ben, À moins de ne pas avoir cette force-là. ça revient un peu au principe de Bernard de Montréal qui, dans le fond, valorisait le principe de la volonté, où ce que si l'individu a une volonté plus grande que celle des entités, ben, il est capable de Ben, les là. neutraliser. Hey, l'être humain, là, il est une centrale énergétique. Qui est placé, là, c'est comme un terminal des plans. Il est très dans la matière, hein, le point, là, le milieu. Tu as de l'infiniment petit, tu as de l'infiniment grand, tu as du plus subtil, du plus dense. L'être humain, il est placé en plein milieu. C'est écrit, il est mis dans le milieu du jardin. C'est là que. Puis il est très, très, très, très, très énergisant, dans le sens que c'est une centrale, c'est un condensateur et un accumulateur, un être humain incarné. Ben, il y a plein de bébites. Si l'être humain, il ne sait pas qu'il est plus fort que ces choses-là, qu'il peut avoir autorité, comme on parlait, la parole, s'il ne sait pas, Il il est n'exercera faible. pas son autorité, c'est un petit peu Ben comme non. le lion qui croit qu'il est un mouton, puis à ce moment-là, il se fait manger à laine sur le dos. Ben, tu sais, c'est un peu comme. Ça me fait penser à un tigre qui se ferait manger tranquillement par des coquerelles. Il sait parce qu'il sait pas qu'en se roulant à terre, il va les écraser. Il se laisse Exactement. faire, Ou puis c'est comme il l'être humain capote. qui croit que ça y prend un vaccin pour le sauver d'un méchant virus, alors qu'un système immunitaire. Ben oui, mais tu sais, c'est un peu comme le truc, c'est par la peur. Dès que tu as peur, quelqu'un qui a peur, il me perd l'autorité. Tout de suite. C'est pas pour rien la mécanique de domination sur la planète, comment ça marche. Puis, dès que tu viens à bout d'avoir de la peur, ben, c'est comme ceux qui vivent des attaques de même. Puis ils prennent mal, puis ils peuvent amplifier le phénomène. Ce qui les blesse, ça vient d'eux. L'autre, il a juste ouvert la porte, lui. Puis là, c'est les gens ils amplifient. Ils amplifient. Ou bien, tu peux avoir une pensée qui vient pas de toi, mais c'est toi qui vas la répéter puis la tourner en boucle. Parce que ça devient facile, là. C'est comme semer des... Des graines un peu partout, puis il y en a qui C'est vont se ça. mettre à germer, puis c'est à l'avantage du semeur. Donc, si on part du Puis là... principe, la pensée vient d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, il y a des implantations de pensée qui sont ensemencées au sein de certaines psychés. Ben, c'est parce qu'il y a tellement toutes sortes d'affaires qu'on voit pas. Il y a beaucoup de choses. Je parle, ça va de des êtres qui ont l'air d'humains jusqu'à des animaux. Des êtres qui ont l'air, ça a pas l'air. Ça ressemble à de la faune. Ça a même des affaires, ça a l'air végétal, mais ça se déplace. Puis c'est pas matériel. Puis j'ai bien de la misère moi-même à. C'est des affaires que je m'ennuie, j'ai perdu d'intérêt pour ça parce que je peux rien faire avec ça. Je sais juste que ça existe. Ça, je suis sûr. Sûr, sûr, sûr. Ceux-là ils sont déjà réveillés dans un état second, là, t'es à moitié réveillé, à moitié endormi, puis ils ont vu des affaires autour de. Ben, tu sais, il me semble que je t'ai entendu parler de ça, surtout si c'était des humanoïdes. Ça, j'ai jamais vu ça. Oui, ben j'avais expérimenté ça, puis je sais que je suis pas le seul, dans le sens. Depuis toujours. C'est juste là, il y a longtemps, il y en a, il aurait dit, ah, c'est des succubes. Mais c'est tout le temps les mêmes affaires qui sont. Moi, ce que j'ai vu, c'était pas des humanoïdes, c'est animal. Ça ressemble à des animaux. C'était enfin. C'était pas beau, tu sais. Des affaires, puis. En tout cas, tu sais, je le sais que mon imagination d'enfant peut pas créer des bibites demain. Même au point de refouiller plus tard puis de voir l'image d'un opossum puis de dire c'est ça que j'ai vu. J'avais jamais vu un opossum puis m'amener voir l'image d'un opossum puis dire c'est ça que j'ai vu. Parce qu'une fois, c'était comme un animal qui était couché sur moi. Je me suis réveillé, j'avais de quoi sur moi. C'était une sorte d'opossum, mais c'était tout blanc. Tout était blanc après ça, c'est ça qui m'avait marqué parce que les yeux étaient blancs, la langue, ça avait fait un mouvement comme chaleureux vers moi parce que j'y avais parlé. Parce que dans le temps, enfin, j'avais entendu qu'il y avait un petit chien qui avait de la fourrure blanche. Puis j'ai dit le nom du petit chien en me réveillant parce que j'étais à moitié endormi, à moitié réveillé. Puis là, ça sortait, ça me regarde. Puis c'était une face de poisson, une grande face longue, avec des grandes dents d'insectivore. Comme les mammifères insectivores ou omnivores. Puis la langue était blanche après ça, les yeux étaient blancs, tout était blanc. Mais moi, mes yeux, j'ai tourné affaire à une partie de la faune qui vibre sur une autre fréquence. Puis les humains, quand on est on contient beaucoup d'énergie, probablement. Probablement qu'on a des sympathies, des antipathies dans la nature qui nous entoure qu'on ne sait même pas. Ouais, ben y en a qui parlent d'élémentaux. C'est ça. Fait que j'ai eu affaire. Moi, je l'ai jamais senti comme agressif, tu sais, cette bibite-là. Quand je l'ai vu, j'ai eu peur parce que c'était laid. Mais c'est probablement un être qui est attaché à moi, qui se nourrit de moi, peut-être dans ce temps-là. Je ne sais pas si c'est encore là. Je vais peut-être pire à ce temps. Je ne sais pas. Mais il y a une autre fois, c'était un enfer qui flottait au-dessus de moi, puis c'était comme une larve. Tu sais, une larve d'insecte, Oui. mais avec une face. Ça flottait au-dessus de moi, puis là, je voyais ça, puis j'étais en panique, puis ça avait l'air aussi surpris que moi. Genre, je n'étais pas supposé de voir. C'est des expériences extrêmement traumatisantes, ça. Quelqu'un qui vit ça jeune, là, puis ça marque. ça a attiré ce marquis parce que c'est élite. Moi, en tout cas, c'était élite. Mais ça a clairement quelque chose de biologique. On n'a pas affaire à des affaires vaporeuses. On a affaire à quoi qu'il y a une semi-matérialité dans ce niveau-là. Puis là, je parle, il y en a, les occultistes vont décrire ça, c'est les larves de l'astral. Mais on n'a pas rapport avec un astral comme Bernard y parlait, là. On a affaire à quelque chose qui est semi-matériel, qui n'est pas de l'astral comme Bernard y parlait, genre des entités qui peuvent changer de forme, puis des. On a affaire à de la faune. Bon, en tout cas, ça, t'as cet aspect-là. Est-ce qu'un jour les scientifiques vont étudier ça? Je ne sais pas. C'est comme tu pars du monde, ils font du camping, puis maintenant au-dessus du lac, on ne sait pas pourquoi, ils se mettent à voir des espèces de méduses lumineuses au-dessus du lac qui ont l'air de frayer ensemble. Ça se promène dans l'air, Ben, puis il y a tout d'un les coup, ça rods. disparaît. C'est peut-être les Ah, rods. ça. Non, Ouais. ce que je, toi, ce que tu penses, c'était comme des barres. Oui, c'est comme ça, comme des flûtes. Ils ont vu ça dans des caméras ralenties, là, par Ouais, exemple, ça dans des serait. grottes. Ça serait. J'ai vu un opticien que lui, il dit c'est un phénomène de projection lié à des insectes qui passent rapidement d'un courant, puis il dit en tout cas, lui, il expliquait ça d'une façon. Mais l'affaire, je pense, c'est un couple qui ont vu ça en camping, puis c'était comme des méduses, c'était sinueux. Ça se OK. promenait au-dessus du lac. Des créatures comme lumineuses, un peu comme comme on voit là, dans les abysses. Ça a été là un bout de temps, on regardait ça, puis ça a parti, ça a disparu. Mais dans mes yeux, ça, c'est de la faune. C'est des animaux. Ça, je veux dire, c'est des animaux. Il y a d'autres affaires, des fois, des certaines structures qui sont vues pas longtemps dans certains milieux ou qui vont laisser des empreintes. On a affaire à de la flore. Exactement. Parce C'est de la que faune, de la flore. c'est ça, c'est qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas nécessairement percevoir. Comme par exemple, l'être humain avec ses yeux ne va pas nécessairement percevoir les ultraviolets ou les infrarouges. En tout cas, il y a des fréquences visuelles qu'on ne perçoit pas, mais ce n'est pas parce qu'on ne le perçoit pas que ça n'existe pas. Puis ça se peut qu'il y ait justement des êtres de la faune ou de la flore qui sont à des niveaux qui sont pas perceptibles de par notre sensorialité. Ben c'est comme c'est juste. Si on prend par exemple, bon, des fois il va être décrit des gens qui ont eu des rapports avec des êtres qui étaient des silhouettes orangées ou bleues. Mais ça, c'est clairement un phénomène de longueur d'onde, de perception. C'est probablement pas orange ni bleu. Mais au niveau, c'est de dense puis bien présent, la longueur d'onde fait que c'est perçu comme ça parce que l'œil est limité. Fait qu'il voit une silhouette orange ou bleue. Donc, Ou même. autrement dit, c'est une distorsion du réel de l'être compte tenu de la capacité limitée, là, un peu comme les pixels, tu sais, en informatique, les pixels ne permettent pas de retransmettre la réalité dans l'image. Fait qu'on envoie une vision qui est, dans le fond, comme nivelée vers le bas, là, compte tenu des limitations Ouais. de la capacité de la caméra à capter, là. C'est un peu comme. Moi, pour moi, ça revient au même qu'avant le microscope. Il y avait toute une faune, une flore qu'on ne voyait pas. Mais qu'on savait. On voyait les effets, là, des moisissures, des levures, on voyait les effets des pathogènes, on voyait. Bon. Mais c'est probablement que si tu as des scientifiques ou des gens qui vont faire des découvertes extrêmement surprenante. Ils savent au fond d'eux-mêmes, ça vient pas d'eux. C'est parce qu'ils sont en rapport avec des êtres qu'ils voient pas. Mais ils les sentent. Un jour, c'est ça. Je veux dire, la physique quantique, bon, c'est bien beau au niveau de la théorie, puis mais c'est. Comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme. Un paquet de papier qu'on n'a pas encore lu. Dans le sens que c'est toutes les réalités que ça peut engendrer, pas dans le sens d'un réel global, mais de réalités séparées, mais qui est interreliées. C'est les aspects de la nature, justement, là, ce qu'on appelait le liber mundi, c'est-à-dire que le monde, au niveau de la perception, c'est comme un livre. Le monde est comme un livre qu'on lit. Mais il y a une différence entre un livre et ce que parle le livre. C'est-à-dire qu'on est limité par notre perception, par nos sens, puis par la façon qu'on traite l'information.

Se rire du monde de même, ça, c'est horrible. Puis aussi, là, c'est pas pour rien aussi, toutes les gens super astralisés qui ont des idées obsessives, qui sont dans le fond de la future possession, et ils pensent qu'il n'y aura pas de passage à l'acte avec leur niaiserie, ils essaient de nous faire croire que non, au contraire. Puis on le Ben, voit, là. au mois de novembre, au moment où on parle, dans les statistiques, on dit non, non. Dans les derniers mois, depuis le confinement, au mois de mars, il n'y a pas eu de hausse de cas de suicide. Dans les Bon. statistiques officielles, ben oui. Moi, j'ai bien hâte de voir les statistiques des compagnies d'assurance parce qu'eux autres, ils vont pas, ils ont pas intérêt, eux autres, hein, à cacher les. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que le gouvernement, eux autres. Puis il y a moyen d'aller, de finir par consulter les chiffres, eux autres. Ça dépend des compagnies, mais il reste que ça va être su. Ça va se savoir. Il y a eu plus de fusillades à Laval dans les derniers mois je pense, en un mois que dans la dernière année. Il n'y a jamais eu autant de tension, je veux dire, il y a de la violence conjugale comme il n'y en a jamais eu. Puis le monde, tout le monde, il va des. Veulent me faire croire qu'il y a moins de suicides. Ben Ça, là, moi. c'est vraiment criminel. Mentir au monde de même, là, on est dedans, là. Quand l'information est. C'est le contraire de la réalité. Quand tu lis le journal, puis tu le sais quasiment, là, après un article, qu'il faut que tu penses le contraire, c'est parce que tu es vraiment dans une dictature. Parce que c'est par l'information qu'on gouverne. Oui, Je veux puis par dire. décret, là, c'est sûr, on a vu la saga avec les gyms, les salles d'entraînement au Québec, où les gyms, à l'origine, il y en avait au-dessus de 200, ils voulaient ouvrir pareil, même si le gouvernement refusait. Puis finalement, ils ont baissé les bras une journée avant. Ils se sont fait avoir bien raide. OK, vas-y. Ils se sont fait. Ben là, Legault lui a dit, ben il va y avoir des amendes pour les clients puis les commerces. Ben, moi, ça a arrêté. Bon, on le fait pareil. On s'en calisse, on va contester tes amendes. On est 200, là. On va te le pèler. Tu sais, le système, il va être engorgé autant que le système de santé. Là. Au niveau du système de justice, si tu vas de l'avant avec ça, M. Legault. Puis, Exact. c'est parce que le monde, ils ont eu peur. Si c'est. Comme j'avais dit, souvent, le monde, ils ont le gros bout du bâton, puis ils le savent pas. Exact. Là, il y aurait. Legault, là, c'est parce qu'il y a eu le front d'aller dire, ben, on va remettre des amendes. Puis, parce que ce qu'ils demandaient, les gyms, c'est donnez-nous des justificatifs qui démontrent qu'on est un lieu d'éclosion, puis que réellement on met. Tu sais, amène-moi des chiffres, démontre-moi-les, là. Puis ils l'ont pas fait. Non, c'est tout ce qu'ils ont répondu au lieu de justifier ce qui est. Parce que l'autorité est supposée être basée sur la légitimité. Fait Exact. qu'il faut que tu. Ben non, eux autres, ce que leur réponse, c'est ben il va y avoir des amendes. Ça marche pas, là, comme réponse. C'est pas correct, là. Si vous n'êtes pas respecté dans votre intelligence, le monde. C'est pas acceptable, ça, comme Ben réponse. non, c'est ça, c'est un moyen de coercition. Au lieu de nous faire la Ben oui. démonstration de la pertinence de tout ça, c'est de nous traiter comme des imbéciles, là. J'ai raison parce que j'ai raison, puis si t'obéis pas, je vais te punir. Ça, c'est pas acceptable. Puis là, après supposément le quatrième pouvoir, les médias, eux autres, ils en rajoutent, ils ont vu qu'ils sont complètement. Ça marche par des subventions. Fait non, les gyms, là, s'ils avaient dit, ben on rouvre pareil, viens-t'en avec tes amendes. On va tout contester. Tout le monde. Mais pour faire Parce que là, ça prend de la 200 gyms volonté. avec 60 clients chaque, avec. Des propriétaires, des associés, ça fait combien de contestations, ça? Ça fait. Donc, là, on tombe, là, le système judiciaire, là, c'est le DPC, là, il aurait commencé à dire au gouvernement, là, ça va faire, là. Dis, nous autres, on peut pas. Tu sais, le directeur des poursuites criminelles et pénales, là, il peut pas. Ils vont tomber, les amendes, ils peuvent pas porter. C'est lui qui va avoir le dernier mot, le DPC. Puis ils peuvent pas. D'un point de vue légal, technique, ça marchera pas. Ça tiendra pas. Le monde a eu peur. Ils ont eu peur de Legault. Crime, arrêtez d'avoir peur. Voyons, vous le voyez bien. C'est comme on dirait le directeur d'une exposition agricole. Arrêtez d'être impressionné par ça. Je comprends pas, là. Je veux dire, cet homme-là, l'éloquence d'un. C'est. Lui, il ne respecte pas sa fonction, OK? Il ne la respecte plus, parce que là, tous les 2 jours, ils renouvellent leur patente, puis il n'y a pas de. Puis le monde, on le sait que. Là, il nous manque. Tu dis, oh, 75% des Québécois sont d'accord. On ne le sait pas vrai, Chris. De toute façon, quand on regarde au niveau de la psychologie clinique, les expériences liées à la manipulation, les meilleurs, ils marchent tout le temps avec 75%. C'est ça le pourcentage du monde qui est manipulable.

C'est ça le but. Il n'y a personne qui me fera croire que ce n'est pas ça le but. Parce que ça soit fait sciemment ou pas, c'est ça le résultat. Fait que j'ai raison ou tort, ça va être ça le résultat. Fait que c'est ça qui se passe pareil. Puis Exactement. là, l'aide du gouvernement, là, mais qu'on soit endetté au point qu'on se fasse dévaluer, puis qu'on ait un PIB qu'il va falloir rentrer l'argent des Hells Angels dedans pour avoir un PIB qui a de l'allure, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'on t'avait de calculer la prostitution par la drogue dans le PIB pour qu'on ait un PIB. C'est pour ça que l'impôt, là, si tu payes tes impôts, mais que tu leur dis, j'ai vendu tant d'héroïne cette année, mais je vous paye mes impôts, ils ne perdront pas la police, ils ne vont pas avertir la police. C'est ça, mais avant d'en venir là, peut-être que ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une refonte de l'économie, le grand reset, c'est-à-dire la grande réinitialisation économique, où on va se faire injecter massivement de l'argent par des forces mondialistes, comme par exemple le Fonds mondial international, mais en fonction de certaines conditions qui vont être au détriment des États-nations, où eux autres vont faire la pipe et le beau temps, puis des chantages pour nous dire comment gérer les choses ici, puis mettre en place des normes, puis des règles, puis des standards qui vont nous permettre de nous contrôler à distance. Voici l'hypothèse que je vois, là, c'est que ce que je vois, ben regarde, je vais te Je faire ça. pense que Oui. là-dedans, il y en a plus que la réalité. Je pense qu'on nous fait miroiter des choses pires que ce qui vient, mais que ça va être pareil de toute façon. Mais regarde, la façon que je vois ça par rapport au commerce, on parlait quelques instants des restaurateurs. Moi, la façon que je vois, c'est que présentement, il y a beaucoup de commerces, que ce soit des restaurants, des cinémas et autres, qui ont des hypothèques. Ils doivent de l'argent. Puis là, en les empêchant de fonctionner, ils vont probablement faire faillite. Puis là, après ça, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on va créer des plans de relance, puis on va leur dire, bien écoutez, aux propriétaires, vous allez pouvoir opérer vos commerces comme avant. Par contre, en contrepartie, le commerce ne vous appartient plus, puis vous n'avez plus d'hypothèque. C'est nous autres, les propriétaires, vous allez opérer en fonction de nos règles. Donc, autrement dit, si on veut qu'il y ait plein de caméras partout pour surveiller, parce qu'on définit que c'est les nouveaux standards de sécurité pour que vous soyez assurable, vous allez l'avoir. Même chose si on établit comme standard que chaque employé doit être vacciné contre le coronavirus, puis simultanément, ils ne diront pas se faire implanter de la nanotechnologie, ben vous allez connaître ça. Puis si vous n'acceptez pas, ben allez ailleurs. Mais la possession privée de petites et moyennes entreprises va disparaître, puis tout ça va être nationalisé en fonction de forces mondialistes qui vont établir des standards internationaux. Un peu comme les standards qui se sont faits au fil du temps, qui font en sorte que, par exemple, dans chaque auto, il y a une ceinture de sécurité, puis des choses comme ça. Regarde, là, c'est un peu comme ça que. Je pense que c'est la Chine, ils ont construit, ils ont financé un port, je pense, en Éthiopie. OK. Mais là, je suis pas sûr, là, dans ce coin-là. Ils sont arrivés, ils ont dit, on va financer le port, on va le construire, puis ça sera pas trop cher, on va. Mais même là, le gouvernement, une fois que ça a été bâti, il n'y avait pas les moyens de payer les travaux qui avaient été faits. Donc, les Chinois, ils ont dit, ben, le port, le port, c'était à nous. Puis pour la marchandise, puis tout, on va te le louer, tu sais. Puis c'est nous autres qui ramassent les douanes. Entre autres. En tout cas, ils ont un arrangement avec le gouvernement. Mais c'était le but dès le début. C'était d'avoir un port, là. Ils ont fait la même affaire qu'ils se sont fait faire dans le temps, là, de Shanghai, puis Hong Kong. Quand ils se sont fait voler leur port par les Britanniques. C'est ça qu'ils ont fait. Les Chinois commencent à agir en Afrique comme les Britanniques ont agi il y a longtemps en Asie. Puis, je veux dire, si tu remontes. Moi, à mes yeux, là, je reviens tout le temps à ça, mais moi, à mes yeux, c'est pas la Chine le problème. C'est occidental le problème. Puis, tu sais, je dis pas ça, je veux pas donner une couleur au problème, là. Mais moi, à mes yeux, le problème, il est grâce à moi. S'il est blanc, il est occidental, puis c'est eux autres qui ont pensé à ça. Parce que quand on regarde le style, là, puis aussi d'où ça vient, puis on collabore en tout cas. Puis là, on essaie de nous faire peur avec les Chinois, les Iraniens, les Russes, tandis qu'on a tous le même problème. Puis c'est des Occidentaux. C'est des Occidentaux qui ont créé ça. Ce système-là de dette internationale, ça regarde tout le temps dans les mêmes bouts.

Puis là, il va y avoir des questions. Puis même à un moment donné, quand c'est au-dessus d'un million de personnes de choquer, l'anti-émeute se tasse, ça, je vous le garantis. Quand Ceausescu, il a fait son dernier discours, puis qu'il a vu que ça ne marchait plus dans la foule, c'était fini. Puis même le monde autour, il savait que c'était fini, il contrôlait plus la foule, pas toute. Il n'y avait plus aucun contrôle. Puis toute la gang autour de lui, ils l'ont trahi, ils ont fait un procès, puis ils l'ont exécuté tout de suite parce qu'il avait peur de la foule. C'est pour ça qu'il est tombé, Ceausescu, puis sa femme. Parce que les collaborateurs autour, ils ont compris que c'était fini, que la foule marchait plus. Ils ont eu tellement peur de se faire passer au cash avec lui qu'ils l'ont accusé de tous les crimes. Ils ont fait un procès, puis ils l'ont exécuté. Ils ont tiré comme des lapins. Fait que si ils ont la moindre petite intelligence, là, Trudeau, Legault et compagnie, il va falloir tenir compte de ça. Puis peut-être commencer à essayer de voir des alternatives. Parce que l'affaire Sarkozy, là, je ne dis rien, personne, je dis bien personne ne pourra s'opposer, blablabla. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas l'être humain. Ils ne comprennent pas la nature humaine puis la nature des foules. Parce que quand c'est vrai que rien ni personne ne peut s'opposer, j'ai pas besoin de le dire pour te faire peur, pour que tu y croies. C'est ça, t'as pas rien à prouver. Hein? C'est ça, essayer de convaincre de quelque chose parce que quelque part, ça colle pas. Comme là, l'autre dit, va être bad boy, puis tout, là. Non, ça veut dire, j'ai rien que boy, ça veut dire, on en faire un petit boy scout. Oui, Puis est-ce Arruda qu'on là, lui a qui disait donné le qu'il peut pouvoir? être un mauvais garçon, là, oui. Ouais, ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un en arrière qui lui donne la permission. La minute que lui, ça marche plus, puis que le monde sont plus capables, puis qu'il n'y a pas aucune crédibilité, ils vont l'éjecter. Ils vont Exactement. s'en débarrasser, puis ils commencent déjà à porter le chapeau. Ça commence déjà? Il commence déjà. Regarde, le Fitzgibbon, puis ses histoires, là, puis ses crosseries. L'autre, là, s'est rendu que Legault, il va pas. Il ne protège pas, il l'appuie. Sont en train, là, de. Ça va être beau. Ça va être merveilleux. Dominique Anglade, elle est partie. Là, ils osent, pour une fois qu'ils s'opposent, puis qu'ils font leur job de critique officielle, là, tout Ouais. d'un coup, ils se font traiter d'irresponsables. Ça marchera pas, là. Le monde sont pas si cons que ça. L'autre Guilbeault qui appelle à être responsable, ben c'est ça qu'ils font là, pour une fois. Ils prennent leur responsabilité, puis il y a de l'opposition un peu, puis ça critique. Ben, Ça c'est pose des ça, par questions. rapport à la crise du coronavirus, moi, ça a été comme une bouffée d'air frais là, dans les derniers jours quand j'ai vu commencer à faire ça. Parce que ça fait plusieurs mois là, qu'il n'y a pas d'opposition, puis ça, peu importe, que ce soit Québec solidaire, le Parti libéral ou autre, là. C'était silence radio depuis plusieurs mois, là, Ben un petit là. peu, oui. Pourquoi quand Anglade la permission de s'opposer de même, puis tout d'un coup, la critique, là, elle critiquait pas, elle disait pas un mot, là, tout d'un coup. Ben là, c'est parce que ça s'officialise, et c'est notre futur premier ministre. Puis Legault, la sale job qu'il a faite, bon, c'est sûr qu'il y a des intérêts là-dedans, mais bon. Mais si je veux dire, il s'en calisse tellement. Il s'en fout tellement. Gars, Jean Charest, y a-tu peur, y a-tu. Mais non, il poursuit pour j'ai pas compris. Oui. C'est du monde. On a affaire à du monde qui ont du front, là. C'est surprenant. C'est comme le docteur Couillard là, qui est en Arabie Saoudite. Puis il a dit, je veux dire, il a passé louche, ce monsieur-là. Ça n'a jamais sorti. Il n'y a personne qui en parlait. Jean Charest, là, il en aurait long à dire. Puis là, Legault, lui, il était ministre de la Santé, lui, dans le temps de Lucien Bouchard. Il était ministre de l'Éducation aussi. Puis. Hey, le monde n'a pas de mémoire de tout ce qu'ils ont fait. C'est pas d'hier que le système de santé est à terre. Qui a fait ça? Qui était dans le PQ dans le temps de Bouchard puis de Pauline Marois, qu'elle a envoyé les infirmières à la retraite, puis que ça a commencé là, la pénurie, on s'en est jamais remis. Ouais. C'est ce monde-là, c'est le même monde. C'est tout le temps le même monde. C'est tout le temps le même. Puis lui, Legault, ça fait longtemps qu'il est là. C'est Lucien Bouchard qui est allé nous le chercher. C'est comme s'il était allé nous chercher un champion, là, nous avait ramené ça, là. Puis, tu sais, moi, Lucien Bouchard, je l'aime tellement, lui, depuis toujours. En tout cas, Tu dis ça dans ce avec ironie temps-là. quand même? Ah, je les aime tellement tous. Ben, l'affaire, c'est pas que je les haïs. Mais c'est parce que moi, dans le temps, je m'en rappelle. OK. J'avais déjà de l'intérêt, je regardais déjà ça, puis eux autres, là, non. C'est comme si de rien n'était, hein. Comme si tout ce qu'on vit là, c'était pas le résultat de des décennies de. De Puis peu mauvaise importe le gestion dans le réseau de parti. la santé Oui. qui a été faite cumulative, peu importe le parti au pouvoir, en effet, là, Ah. ouais. peu importe le parti, suivent les mêmes plans. C'est là qu'on voit que ça n'a pas rapport. Puis je me tout le temps rappelé Jean Charest, là, nous sommes prêts. La priorité, c'est la santé. Puis blablabla. Puis il était là, quoi? Il a fait 3 mandats, je pense. Ils nous ont mis ça. Ils s'en calissent tellement. On est du menu fretin, les vieux qui crevent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, c'est du monde. On a affaire à des gens. J'aime pas ce terme-là parce que Machiavel, je considère que c'était quelqu'un de bien qui a un peu rendu public des choses qui devaient l'être, mais c'est genre des gens machiavéliques dans le sens mauvais du terme. Et c'est juste le calcul, puis l'instinct d'autopréservation, puis de se mettre. Puis même là, il y en a là-dedans, ils se font avoir complètement. Ils vont payer pour. Ils vont porter le chapeau et leur carrière à bouffer. Il y en a. D'après moi, on va voir du monde qu'on connaît finir peut-être en prison. Parce que là, ça commence à être vraiment grave. Il y en a qui sont vraiment choqués. Ben oui, ben c'est sûr qu'il y a des tensions sociales. Il y a eu des menaces de mort faites à des politiciens, que ce soit Arruda, Legault. Ça, avec des politiciens, des menaces de mort, t'en as aussi. Rien que là, ils nous en parlent quand ça les arrange. Parce qu'à Arruda, il y a des menaces de mort depuis avant qu'ils nous en parlent. Moi, je ne suis pas politicien, puis je n'ai eu des menaces de mort. Fait que je n'ose même pas imaginer Legault. D'après moi, il y a des menaces de mort depuis qu'il est élu. Voyons, ça vient avec la Oui, job. probablement, sauf que là, les médias ont mis ça d'emphase pour, comme on avait parlé l'autre fois, pour qu'ils nous les présentent comme étant des grandes victimes. Ben oui, t'sais, je veux dire, dans le fond, là, ces gens qui se sacrifient pour nous. Exactement, fait que là, Comme la dinde de Noël. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est parce que c'est nous autres, là, Les c'est gens nous autres, de moi, ce que je dis, c'est que les gens devraient sacrifier la volonté du sacrifice qu'ils nous veulent nous amener à faire pendant un autre 28 jours. Dans le c'est parce sens que tout le que temps ça. c'est Ben, ça. t'as vu, l'autre. Faut faire des sacrifices pour sauver Noël. Ouais. Ben oui, mais Christ n'aura pas de Noël. Ben, c'est Tout ce qu'il ça. y a, c'est l'espoir de sauver Noël pour que le monde obéisse, c'est tout ce que je vois. C'est un Il n'y esprit a de pas Noël, fini soumission Noël. à un agenda qu'on te fait miroiter un espoir, un petit peu comme dans la religion, où ce qu'on te faisait miroiter l'espoir que peut-être il va y avoir un sauveur si t'es gentil, puis blablabla, ou tu vas avoir des cadeaux à Noël. Mais c'est tout le temps une technique de manipulation. Ah oui, c'est renforcement positif-négatif, ça marche par la projection d'un gain. Ben c'est ça, c'est comme si t'es gentil, tu vas peut-être avoir un Noël, tu sais. Tu sais, je te magane, mais dans l'espoir que je vais peut-être être fin plus tard, tu vas te laisser faire. C'est ça, tu te laisses dominer et imposer une dictature Parce sanitaire. que, tu sais, là, moi, OK, pour sauver Noël, non. Moi, je veux pas sauver Noël. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux qu'on sauve la population, puis leur commerce, puis leur qualité de vie, puis leur possibilité d'avoir des perspectives de penser à moyen et à long terme. C'est ça que je veux qu'on sauve. Noël, j'en ai rien à torche. J'en ai rien à faire. C'est de la merde, ça fait partie des conneries qui n'ont aucune réelle essence, puis qu'on nous niaise avec depuis toujours. Puis Noël, là, gars, là, ça n'a même plus rapport, là, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, c'est quoi, là, cet été, il va falloir faire des efforts pour sauver le festival du solstice à Valérieplante. C'est que, tu sais, ils sont en train de détruire les fêtes, puis après, ils servent des mêmes fêtes pour nous dire qu'il faut sauver ce qui n'existera pas. Ouais, Non, c'est non, ça. eux autres, là, ils devraient commencer à penser à sauver le cul pour plus tard. Parce que le monde, ils vont pas. C'est fort, là, je veux dire, les gens qui ont des enfants, des familles, puis des commerces, puis qui ont travaillé toute leur vie, à un moment donné, là, mais qui n'aient plus rien à perdre, là, ça va y aller par là. Quand le monde n'aura plus rien à perdre, là, eux autres, ils vont avoir tout à perdre. C'est là que ils risquent de sortir les bébelles, peut-être, les grosses machines, puis on verra. Mais d'après moi, là, si, là, t'as juste dans une grosse ville, là, t'as 1 million de personnes enragées, ils vont se tasser l'anti-émeute, je vous le promets. Ben moins que ça. T'sais, si on regarde Ça se peut même qu'ils rejoignent le. les rangs. Mais t'sais, si on regarde juste qu'est-ce qui s'est passé à Montréal lorsque la statue de McDonald's a été déboulonnée dans le cadre d'une manifestation contre le racisme, ben les policiers ont laissé faire les manifestants faire C'est tomber. pour des raisons politiques, puis la mairie, ben.

sais, là, je veux dire, on a affaire à du monde, là, qui aurait dû se tu sais, ils sont. Les gens, s'ils avaient su, en tout cas, ça aurait pas marché, mais le monde, ils savent pas. Mais à un moment donné, il est jamais trop tard. C'est tout. Oui, Pour te exactement. dire. Ça serait une bonne conclusion que c'est sûr qu'il n'est jamais trop tard. Puis, comme tu l'avais déjà dit, à un moment donné, à force de vouloir nous endormir, paradoxalement, ils vont nous éveiller. Puis, j'ai l'impression qu'on va se diriger vers ça dans les prochains mois. Ça sera peut-être un éveil qui est brutal sur fond de crise économique, mais il va y Ah, avoir mais sans les doute. Québécois, ils ont la couenne dure. OK. C'est comme du ballonné, les Québécois, là. Tu sais, je veux dire, ils sont tendres en dedans, mais il y a une affaire raide en dehors que si tu mets ça dans le bas chaud, ça vient comme dur. Fait que, on verra. Mais j'ai confiance pareil parce qu'ils ils ont la couenne dure, mais en dessous, c'est bien sensible. Ça réagit à rien, il s'agit que ça fende, puis. Tout le dedans va sortir. Exactement, ça va comme crever l'abcès, si on peut dire. Ouais, puis là, on va rire. C'est ça, il va se passer de l'action, comme on dit. Fait qu'on va compléter l'enregistrement. Écoute, je te remercie pour tout le temps que tu as consacré à cet C'est entretien. à toi, à tout le monde. Excellent. Puis je mentionne aux gens qui ont apprécié l'enregistrement d'aujourd'hui que vous pouvez me faire parvenir une contribution financière, que ce soit par le service de paiement sécurisé PayPal ou également Interac en guise d'appréciation. Vous allez avoir les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement. Donc, merci encore une fois et à bientôt.